Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon frère. Comment ça? La sœur Clorence Suzanne, bonsoir. Avec toute la maison. Bonsoir mon frère. Bonsoir la sœur. Bonsoir la sœur amie. La sœur amie, bonsoir. Ton micro n'est pas fermé, n'est pas ouvert. Bonsoir. Voilà, comment tu vas ce soir? Bien, ça va, merci. Très bien, très bien. Le frère Yves, bonsoir. Seigneur, tu es grand. Le frère Yves, bonsoir. Est-ce qu'il nous écoute? La sœur Reine, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ta connexion dérange ou c'est la mienne qui dérange encore ce soir? je ne sais pas. Peut-être que c'est ma connexion. Mais je vais me déplacer. Ma connexion n'est pas très bonne. La sœur Suzanne, tout à l'heure, là, pendant que la musique d'introduction passait, ton micro bougeait beaucoup. Je ne sais pas ce que tu en as fait, mais ça faisait beaucoup de bruit, la sœur Suzanne. Donc, si tu en as fait quelque chose, il faut être posé, s'il te plaît. Les autres ne sont pas encore là. Comment vous allez? C'est comme ça fait une éternité, on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. Vous m'avez manqué. Toi aussi. Amen. Racontez-moi alors comment ça se passe depuis, comment vous allez? Vous continuez dans les enseignements, vous persévérez dans la foi, dans la prière, dans les jeux. Oui, toujours. Beaucoup de courage. Toujours. Merci. Alors que notre Dieu, notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ vous bénisse et bénisse tous ceux qui nous écoutent encore ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Je suis comme d'habitude à votre service ce soir, en attendant que les autres viennent. La sœur, tu n'es pas de garde aujourd'hui? Non, mon frère, je venais de rentrer. Je m'en fous. Tu as fait le travail? Après le travail, j'avais un séminaire, mais je n'ai pas fini. J'ai dit Dieu est plus important maintenant, je ne cours plus derrière les connaissances. Les connaissances du monde, je précise. Oui. Donc maintenant, tu as couru plus rapidement pour venir te connecter, quoi. Ah oui. Mais là, tes parents vont dire quand tu as fait un lavage de cerveau. Mon frère, laisse seulement. Être là, c'est un autre débat. La sœur Annie, as-tu des préoccupations, des questions en attendant que les autres frères se connectent? Je crois que les autres sont en ligne là. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec les connexions. Non. Oui, comme toujours, tu n'as pas de questions. Mais quand on va engager là, tu vas dire que frère Junior, j'ai des questions là. Peut-être une autre sœur pour le moment, je ne sais pas. Moi aussi, j'ai des questions. Aha. J'ai beaucoup, beaucoup de questions. La sœur, tu veux commencer ou... Moi, ça m'est égal. Mais peut-être une première question. Oui. Mon frère, je voulais poser une question. Il y a quelque chose qui... sur lequel je m'interroge concernant la musique, là, oui. La musique dite chrétienne. Oui. Je voulais savoir si nous, en tant que chrétiens, on peut écouter cette musique-là. Écoutez. Si c'est pas... Oui. Écoutez quoi? Ben, la musique ben, par exemple, la musique que tu as mis au début de l'enseignement, là. Mais tu as quand même écouté, non? Oui, j'ai écouté, mais je voulais savoir si c'est... parce qu'on dit que c'est pas biblique, que c'est pas bon pour les chrétiens. Qui a dit ça? C'est plus le titre, voilà. tu expliquais bien que. Non, j'ai dit qui a dit que ce n'est pas biblique. Je suis en train de l'avancer pour qu'on réponde à la question pour tout le monde une fois, d'accord? C'est toi sur l'enseignement? C'est moi qui ai dit ça. Oui, sur l'enseignement. Oui, La sœur Amie, j'ai dit non. ça. Tu disais bien que J'ai pas écouté l'enseignement, mais moi j'ai entendu aussi par rapport au frère Georges Lama, parce que je l'écoutais avant, Oui. enfin, au début de ma conversion. Donc j'ai entendu beaucoup dans ses enseignements qui disaient que certaines musiques chrétiennes n'étaient pas bien. Donc, Lesquels, par exemple? le gospel, Oui. tout ce qui est musique chrétienne mélangée avec tout ce qui est moderne de nos jours, quoi. Bon, avec les femmes avec des faux cheveux, les femmes qui sont pas sanctifiées, qui glorifient Dieu. Donc, j'ai entendu ça aussi. Bon, Donc, c'est mieux comme après, moi, j'ai passé toutes les musiques. ce... Donc, Bon, comme ce n'est pas comme ce n'est pas ta question, on va laisser la sœur Clodon s'exprimer. La sœur Clodon, là on ne te voit même pas la sœur Clodon, elle est où là même? je suis là, mon frère. Bah, c'est toujours par rapport à mon téléphone Moi, ce là-bas. que j'ai entendu des enseignements. Oui. Ah, pardon. Ce que j'ai entendu des enseignements, c'est pas qu'il a dit, c'est pas critique, que c'est pas biblique. Oui. D'après ce que moi j'ai retenu, c'était plutôt que, parce que je pense qu'il avait pris l'exemple où David qui chantait des cantiques et tout, que chanter des cantiques machin, c'est biblique. Par contre, ce qui pose problème, c'est des musiques entre guillemets dites chrétiennes, Oui. en fait. Et le contenu, en fait, parce que dans plusieurs enseignements aussi. Il y a ceux qui chantent Jéhovah, celui qui chante Shekinah, et dans une des musiques aussi, ils mélangent, ils chantent de Jésus, et une autre aussi, ils mélangent, ils parlent de Marie. Donc, effectivement, il a fait passer cette musique-là Voilà, et en disant là, qu'il faut écouter le contenu. Ça, c'est ce que ma j'ai soeur, tu compris. as suivi tout cela dans les enseignements. Tu connais les titres des enseignements où tu as suivi ça, n'est-ce pas? Tu te souviens des titres des enseignements parce que la soeur Claudia semblait écouter autre chose. Elle avait entendu être autre chose. À moins que ça ne soit pas de moi que ce qu'elle a dit. Je vais regarder les titres des enseignements, mais là. Ok. La sœur Suzanne Clodon reprécise bien ta Peux pensée le retrouver et ta ça. question. Ok, donc Voilà, dès que tu vas retrouver, tu postes sur le forum, d'accord? La sœur Suzanne Clodon, allons-y avec ta pensée, poursuis avec ta pensée. Qu'est-ce que tu disais? non, en fait, moi, je voulais juste savoir pour être clair, je voulais savoir si c'est possible que que tu me dises. Quelles sont justement les musiques qui sont que nous en tant que chrétiens qu'on peut écouter? Oui. Je sais que déjà les musiques sont notamment les cantiques que la sœur Grâce chante souvent. Ça c'est bien pour nous. Oui. Maintenant les musiques que les chrétiens chantent là, avec à instruments. Je voulais savoir si c'est bien ou pas. Ok, donc c'est le problème de l'instrument ou bien le problème de la musique qu'on chante? Parce que si je vais prendre deux cas maintenant, je vais prendre un cantique sans musique, sans instrument, et je vais te montrer effectivement que c'est faux d'après le Seigneur. Et puis je vais te prendre maintenant un autre avec des cantiques, avec des instruments, je te prouve que c'est biblique. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux D'accord. quoi? Bon, on va commencer. Navaku, vous connaissez ces cantiques-là, hein? Je ne sais pas comment compter, je ne sais pas si c'est ça. Non, mais je veux dire instruments modernes, hein, mon frère. Non, j'arrive. Les instruments modernes, J'arrive. oui. Comptez sur lui de Anne. Tu sais chanter cela? Je connais pas les paroles encore, en Mais fait. qu'est-ce qui sait chanter? Mon frère, le titre, c'est Comment savoir que je suis La de. sœur Cladon, la sœur Cladon. Attends d'abord, on va Oui, mon avancer. frère. On va aller question après D'accord. question, d'accord? On arrive d'abord à la première question. Tu vas poser. On a toute la soirée. Je suis en forme ce soir. Donc, s'il fallait Amen. qu'on aille tout le matin, on va épuiser toutes tes questions. Bon, la voix du Seigneur m'appelle. Je ne sais pas ce qu'est le cantique. Vous avez. La voix du Voilà, chantez-nous ça. Seigneur m'appelle. Alors, vous ne savez pas chanter là. Où est la sœur Amie? Amie, tu ne sais pas chanter ce cantique-là? Bon, je vous invite donc à apprendre sur votre PC de ce cantique-là, la voix du Seigneur m'appelle. Je ne sais pas si vous avez le cantique. Prenez avec ça avec vous. Il vous montre quelque chose. D'accord. Parce que vous avez c'est quel niveau? La voix du Seigneur m'appelle, c'est le cantique là-bas. Je ne sais pas comment vous appelez cela. D'accord. C'est un des extraits et c'est bien comme la sœur a signifié la façon dont je dis. Si vous suivez l'enseignement, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. J'en ai parlé, j'ai fait état là-bas où j'ai mis cette femme ivoirienne qui chante écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Vous voyez le frère Yves, tu es là? Peut-être le frère Yves dort. Dans cet enseignement, j'ai mis Shekina, je crois que j'en ai parlé de Shekina, quelque chose comme ça. Puis j'ai mis un monsieur là qui chantait ayant les yeux fixés sur Maman Maria. Je ne sais pas si vous à l'intérieur j'ai mis. Et puis j'ai mis un autre sujet, ce monsieur qui dit mon nom est écrit là-haut, là-bas, pendant que l'autre en train de chanter, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. J'en ai parlé là-dedans. Et puis j'ai dit qu'il veut revenir sur ce qu'on a dit, musique chrétienne. Il faut qu'on examine ce qu'on appelle ces musiques chrétiennes aujourd'hui. En fait, il y a deux terminologies qu'on a utilisées aujourd'hui. Il y a ce qu'il est convenu d'appeler en cette saison-ci gospel, puis ce qu'il est convenu d'appeler musique chrétienne. Il n'y a pas de musique chrétienne dans la Bible. Suivez très attentivement. Il n'y a pas de gospel. Le gospel, c'est ce que vous appelez le gospel. Gospel, c'est l'appellation anglaise de ce qu'on appelle évangile. Donc, si vous êtes musique gospel, vous entendez vouloir dire musique évangile. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça sont les évangiles. Ah, gospel veut dire évangile, mon frère? C'est ce que ça veut dire. Gospel, vous avez dit évangile. Ah bon, d'accord. Ah bah, je savais pas. Vous voyez, voilà le problème. Le fait qu'on a répété ça plusieurs fois, gospel, le gospel, le gospel, on a amené la pensée des gens au niveau de la musique plutôt que au niveau de l'évangile. C'est-à-dire que, pour la voilà la preuve. Peut-être toi, tu pensais que gospel, c'était un style de musique, n'est-ce pas? Voilà, en fait, le gospel, ça veut dire évangile. Maintenant, le fait qu'on dit que c'est un chanteur gospel, ça c'est une musique gospel, ça fait déjà qu'on a appris que le gospel c'est un style musical, n'est-ce pas? C'est ça. De la même façon comme il n'y a pas de musique chrétienne, enfin, de la même façon comme il n'y a pas de mariage chrétien, de la même façon il n'y a pas de musique chrétienne, d'accord? Il y a tout simplement musique. Mais maintenant, cette musique-là soit glorifie Satan, soit glorifie Dieu. Et donc là, un chrétien devrait plutôt savoir comment discerner une musique qui ne glorifie pas Dieu et une musique qui ne glorifie pas, qui glorifie Dieu. C'est ce qu'il en est. Parce que dire qu'une musique n'est pas de Dieu, vous allez aller dans la Bible, vous allez voir trouver des musiques là-bas. Et la Bible parle même des chants partout, d'accord? La Bible dit que les oiseaux le louent, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les ondées louent l'Éternel, d'accord? Et on va voir cela quelques passages là maintenant. On avance. Vous y êtes? Vous avez trouvé votre cantique déjà? Oui, je l'ai. Aha, allons-y, chante-nous ça, ma soeur. C'est quel numéro, ma soeur, s'il te plaît? 180. Ben voilà. 180? Oui. D'accord. Allez-y. Vous êtes prête? Vous êtes sûr que vous allez chanter ça ensemble? Qui veut chanter? Attendez, je cherche encore. 180. La sœur en a trouvé. Oui. Oui, c'est bon. Merci. La voix du Seigneur m'appelle pour la voix. Je connais pas du tout l'air. Bon, la soeur a dit chante. En fait, le but, ce n'est pas qu'on chante ça ce soir. Le but, c'est qu'il vous explique quelque chose. La soeur, mais si tu peux chanter. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour vivre et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour me dire fille, à toi c'est Jésus pour toujours. Amen. Amen. C'est pas fini, continuons. C'est le refrain que tu viens de chanter depuis. Il faut quitter ce qu'on aime, ça va être mal jugé. Endurer la journée même, on peut être méprisé. Jusqu'au bout, tu veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour me vivre, à toi Jésus pour toujours. Lui perdre sa propre vie, pour sentir à n'être rien. N'avoir que cela en vivre, et Jésus le seul bien. Stop maintenant, stop maintenant. Stop, c'est bon. N'avoir qu'une, allons-y. Une seule envie, aimer Jésus est le seul bien. Alors, tu vois que ça, c'est contraire à la Bible là maintenant. C'est là où je voulais vous emmener. Où est la sœur Claudon? Oui, je suis là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu en dis par rapport à ce qu'on vient de lire là maintenant? Tu as le cantique devant toi. Hein? Si, je l'ai, oui. Ouais, mm-hmm. Tu as lu dans la partie, là où la sœur a lu. Ah, oui. Comment? Là où elle a dit qu'il faut aimer Jésus, c'est au niveau de l'envie. Ok. Oui. Qu'est-ce que la Bible parle par rapport à l'envie? C'est un péché. Tu es sûr? Oui. Ah, c'est pas, en fait, si je comprends bien, c'est par rapport au thème qu'on emploie, c'est ça? C'est pas autant, ma soeur. Je veux justement que vous compreniez bien. Non, mais je veux dire les mots qu'on emploie dans ces chansons-là. Voilà, tu vois effectivement que tout ce qu'on fait, si ce n'est pas biblique, alors il y a un problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites là maintenant? Quel est le problème? Comme je signifie là maintenant, quel est le problème? Je veux que vous détaillez. L'envie. L'envie, c'est quoi? Quel est le problème avec envie? L'envie, c'est un péché. L'envie, c'est un péché, puisque Oui, donc l'envie, c'est Un péché, puisque notre Seigneur Jésus dit même dans sa parole qu'il ne faut pas envier quelque chose comme ça. Voilà, donc l'envie, c'est un péché, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, quand vous chantez ces cantiques, est-ce que vous saviez que vous étiez dans des péchés en chantant? Non. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as remarqué que la sœur a lu tout à l'heure, elle a traversé rapidement, n'est-ce pas? Oui. Or, le son du cantique, tellement que la répétition et les différents couplets, c'est tellement bien haut. Vous voyez, effectivement, quand elle chantait, elle allait de cadence à cadence comme ça, n'est-ce pas? C'est pas ça? Tu allais de cadence à cadence. Allô, le frère Yves, bienvenue. Merci. T'as même tu ris, n'est-ce pas? C'est toi qui me fais rire. C'est moi qui me fais rire. Mais t'as même tu vois comment la sœur chantait, elle balançait comme ça, non? Elle était contente. Voilà. Oh, remarquez très attentivement, j'ai dit à la sœur Suzanne Claudois, et je vais expliquer ça, c'est bien comme elle a soulevé ces questionnements-ci. C'est qu'en réalité, et je vais entrer dans les profondeurs tout à l'heure, là, c'est que vous pouvez chanter et avoir de l'émotion au point où vous pleurez, même tout au bout de temps, vous êtes dans le péché. Parce que tout à l'heure, elle a chanté N'avoir que. C'est parce qu'elle est devant l'écran. Maintenant, si vous suivez ça sur Bamba et Bala, ces chants-ci, sur Bamba et Bala, si vous entendez dans l'ensemble, vous allez remarquer très attentivement qu'en assemblée, les gens ont corrigé. Quand vous allez suivre ce couplet-là, à partir particulièrement, vous allez voir effectivement qu'ils chantent N'avoir qu'un seul désir, aimer Jésus pour toujours. Vous avez ça, ma soeur? D'accord. Voilà. D'accord. Alors maintenant, c'est vrai qu'on dit que quelqu'un peut maintenant dire, ok, non, je ne chante pas les trucs avec les musiques, avec les instruments, mais il chante les cantiques, mais il peut, parce que dans les cantiques, justement, il y a des erreurs. et je passe mon temps chaque fois à corriger. Et il faut expliquer aux gens le pourquoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il faut faire attention. Donc, vous voyez effectivement, tu vois effectivement, ma soeur, chère soeur, que le problème en réalité, c'est pas qu'il y ait des instruments ou pas, parce que à ces cantiques, on peut associer une guitare, une harpe, une flûte, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc, le problème, ce n'est pas l'instrument. On va aller dans la Bible maintenant, on va voir de quoi il est question. Le problème maintenant, c'est qu'il faut que le cantique, parce que voilà ce qui est dans la Bible, dit, le cantique doit être inspiré du Saint-Esprit. Et donc, si le cantique est inspiré du Saint-Esprit, alors ça veut dire que les paroles qui sont dites du Saint-Esprit, et cela glorifie le Seigneur. C'est pas ça que je comprends. Ouvrons d'abord Philippiens chapitre 1. Rapidement là par rapport à ces mots-là. Philippiens chapitre 1. Notez, vous prenez une plume, vous notez les versets que je vais vous donner. On va lire quelques-uns là-bas et puis on va avancer dans le développement de cette chose-là. Vous avez pris les plumes. Bonsoir et bienvenue à Belgique dans la sainteté. Nous osons croire que les enseignements que le Saint-Esprit permet que nous donnions vous fassent, ces enseignements vous font vraiment du bien, n'est-ce pas? Vous avez le stylo déjà? Notez Philippiens chapitre 1 verset 15 d'abord. Dès que vous avez noté, je vous dis. Vous y êtes. Philippiens chapitre 1, verset 15. Galates chapitre 5, verset 20 et 21. Philippiens quoi? Chapitre 1, verset 15. Je crois que les sœurs spécialistes en secrétariat qui sont là-bas vont par la suite écrire ça sur le forum. Et le second? Galates chapitre 5, verset 20 à 21 et le verset 26. Galates. Chapitre 5, verset 20. Chapitre 5, c'est... Je crois que... Ouais, chapitre 20, ouais. Verset 20, 21 et le verset 26. Vous y êtes? 6, ok, voilà. Tite chapitre 3, verset 3. Quoi? Ah, ces rythmes-là, je crois qu'il va falloir. Le frère patient, parce que j'ai l'impression que tu as des problèmes là, et les frères, les sœurs ont écrit ça sur le. Parce que à ces rythmes-là, je ne dois pas arriver aujourd'hui. Donc, patiente, on va écrire ça sur le site là, et tu vas noter. Vous les autres, vous m'entendez très bien, n'est-ce pas? Amen. Tite chapitre 3, ouais, verset 3. Il n'entend pas bien, quoi, c'est tout. Oui, oui, c'est pour ça qu'il dit que ton. Parce que depuis hier, quand nous causions, là, tu avais du mal à ma voix. Donc, patiente, elles vont quitter. Oh. Laissez, s'il vous plaît, au fur et à mesure, tapez ça sur le site, là. Titre chapitre 3. Je vais le faire. Merci beaucoup. Titre chapitre 3, verset 3. 1 Timothée 6, 4. Donc, le problème des mesures, là, c'est pour cela que, mes chers soeurs, vous devez faire attention. Vous ne devez pas tomber dans le péché avec des gens. Si quelqu'un se lève et se calme matin, accuse quelqu'un de sorcier. Vous admettez que cette personne est sorcière et vous entérimez, ça vous entraîne dans le même péché que cette personne-là. Il faut donc faire attention. Donc, si vous entendez quelqu'un accuser un serviteur de Dieu, si un serviteur de Dieu peut faire l'erreur sans pour autant être sataniste. Donc, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de faux pasteurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux musiciens. Si vous allez commencer à mettre les gens dans cette panoplie-là et vous suivez quelqu'un qui le dit, vous entrez dans le péché. Gardez-vous des péchés devant le Seigneur. Si Dieu ne vous a pas dit quelque chose de façon spécifique, ne prenez pas ce que quelqu'un a dit. D'accord? Voilà. 1 Timothée chapitre 6 verset 4. Vous m'entendez là? Attends, j'ai pas compris. On peut pas accuser quelqu'un? On peut pas dénoncer quelqu'un? Non? Encore ce ministère là, je vais encore revenir sur la dénonciation. La dénonciation, c'est pas n'importe qui doit le faire, d'accord, mon frère? C'est ce que j'en donne les filles, on ne peut pas le faire alors. Non, je dis ici, n'est-ce pas? Je t'ai pas bien saisi, s'il te plaît. Je disais ceci, tu as suivi la question de la sœur Suzanne dès le départ par rapport à ce qu'on a de développer là, mon frère? Non. Voilà. Donc, ça veut dire que tu es entré dans le bain. Le frère demandait, parce qu'il est dit qu'elle a suivi sur une chaîne d'accusation, on disait que les musiques qu'on chante là, avec les instruments au milieu chrétien, ne sont pas bibliques, donc on doit éloigner tout cela, parce que ça vient du diable. C'est pour cela qu'on est en train d'examiner. Ouais. Maintenant, je lui ai dit, ce n'est pas, j'étais en train d'expliquer que ce n'est pas le fait qu'on ait mis la musique ou le piano qui est le quelque chose qui est le problème. C'est donc pour cela que je les ai invités à prendre le cantique et on a chanté. Vous avez vu comment, toi-même, tu as vu comment la sœur Annie allait, Amy allait de gauche à droite, comment elle était dans la cadence, mais tout en péchant avec sa bouche. Parce que ce cantique-là, elle-même, à cet endroit-là, il y a un problème de péché dedans. Donc j'étais en train de dire que ce n'est pas le problème de l'instrument qu'on met derrière, c'est le problème de l'inspiration du texte. Voilà. Et donc j'étais de vouloir utiliser dans le cadre général pour dire à la sœur qui a posé la question que c'est comme parce qu'elle a dit qu'elle a suivi ça, quelqu'un a dit cela. J'ai dit que quand vous suivez quelqu'un dit quelque chose, que ce soit l'accusation contre un, quelqu'un dit de Dieu, un serviteur de Dieu, ou bien des musiques chrétiennes comme on a dit là, si vous n'êtes pas sûr, ne suivez pas le péché. Parce que si la personne pêche, vous suivez, vous allez pécher de la même façon. Et par conséquent, il faut c'est ça qu'il est en train de dire. Donc, il faut faire attention au niveau des accusations. De ne pas être dans le camp de Satan tout en croyant servir Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Et donc, par conséquent, je vais revenir sur le ministère des dénonciations. Ce n'est pas tout le monde qui est assez... La Bible donne de façon spécifique ceux qui doivent faire ces choses-là. Et on ne fait pas, il n'y a pas de ministère spécifique pour cela. C'est quelqu'un qui a appelé à une charge, qui a l'onction pour faire cela. Sinon, si quelqu'un fait cela sans être de lui, alors forcément, il est en train de servir l'ennemi. D'accord? J'arrive. Donc, souvenez-vous que même si vous dites vrai et que vous n'êtes pas du côté de Dieu, vous êtes quand même du côté du diable. Souvenez-vous de cela. J'arrive. Vous avez noté 1 Timothée chapitre 6. La sœur, mais pourquoi tu mets la main comme ça là? Tu es fâchée de moi. Hein? Ah non, pas du tout. J'écoute. Hein? Pas du tout. Pourquoi je vais te fâcher de la vérité? Non, au contraire, ça m'édifie. Donc, Non, j'arrive avec la. J'espère que la sœur se donne encore là. Elle m'entend là. Oui, je suis là, mon frère. Voilà. J'ai dit au départ, Philippiens chapitre 1, verset 15, Galates chapitre 5, verset 20, 21, puis 26, Tite chapitre 3, verset 3, c'est ça, non? Oui. Jacques chapitre 4, verset 2, noté. Il y a 1 Timothée aussi. 1 Timothée 3, tu as dit. 1 Timothée 6, verset 3 et 4. Ah. Vous y êtes. Yeah. Voilà. Donc, j'ai réité mes propos. Il y a deux choses qu'on doit considérer. Ce n'est pas l'instrument qui fait d'une musique une musique satanique. Remarquez très attentivement dans le. Je crois qu'on va aller dans la Bible dans la première partie pour répondre ça véritablement bien. J'explique d'abord la chose grosso modo. Dans la Bible, si vous lisez très attentivement dans la Bible, vous avez remarqué que avant d'aller dans la Bible, dans l'enseignement, attention, chrétien, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. J'ai mis deux musiques. L'une d'une femme qui dit, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Elle a chanté ça jusqu'à la fin. Puis j'ai mis celui d'un autre monsieur, je ne sais pas d'où il est. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Yahoo, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Vous voyez effectivement que l'un des textes de ces musiques, le texte de ces mélodies ici, est inspiré. Concernant le thème dont il est question. Ou mieux, ce texte-là a la connaissance biblique. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'une femme chante « Seigneur, écris mon nom, prends ta plume en or et écris mon nom. » Or maintenant, qu'est-ce qu'on va, quand on va dans la Bible, on confronte ça, on voit effectivement. Et si vous comparez les sons et les mélodies de ces deux musiques, le son de cette femme-là bat de loin celui de ce monsieur. Parce que le son de cette madame-là, ça ferait bouger à la soeur Amie là-bas de son siège. Vous voyez? Mais maintenant, quand on va maintenant dans le texte, dans l'inspiration du texte, on voit effectivement que son texte n'est pas biblique. Parce que dans la Bible, tous les passages bibliques qui parlent de noms qui sont écrits révèlent que le nom sont écrits avant la fondation du monde. Et donc cette femme-là, elle chantait que maintenant, on prend son nom et écrit. Et l'autre monsieur a dit, lui n'a rien fait, son nom est écrit là-haut, là-bas. Et vous voyez effectivement que ce monsieur-ci a la connaissance de la parole par rapport à ce sujet. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, dans ce sujet-là, dans ce même enseignement, j'ai mis le son d'un monsieur qui a commencé à chanter « Ayant les yeux ». Et puis, à un moment donné, il dit « Ayant les yeux fixés sur Maman Maria, elle est pleine de grâce, en elle se trouve la plénitude, elle est l'épouse du Saint-Esprit. » Vous voyez, chaque fois, je mets pour montrer comment c'est dangereux, dangereux. Il chante tout ce qui est conforme à la Bible par rapport au Saint-Esprit, par rapport au Seigneur Jésus. À un moment donné, elle vit maintenant pour dire que c'est en Marie que se trouve la plénitude. Vous voyez? Or, la Bible déclare dans le livre des Jean que nous avons chacun de nous. Si vous lisez le livre des Jean, chapitre 1, chapitre 2, on dit que nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, parlant de Jésus. Donc, la plénitude est dans le Seigneur Jésus. Vous comprenez cela? Chacun de nous a reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Allons dans le livre des Jean, là. Ouvrons ça, Jean, chapitre 1, là. Regardez. Donc, il n'est nulle part dit que Marie a reçu la grâce parce qu'elle a été choisie par le Seigneur pour porter l'enfant qui devait servir à la rédemption de ceux pour qui Dieu s'est acheté. Ok. Vous y êtes? Jean 2. Jean. Oui. Chapitre 1. Vous y êtes? Oui. Verset 14. Qui va lire? Il a pas mal à avoir. Vas-y, ma soeur. Vas-y, je t'en prie. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Bon, maintenant, qui est pleine de grâce? La parole. Qui ça? Jésus. C'est de lui dont c'est une question, n'est-ce pas? Oui. Il est dit quoi de lui ici? Il s'est fait chair. Oui. Il a habité parmi nous. Oui. Il était plein de grâce et de vérité. Il était plein de grâce. Donc, et maintenant, vous voyez effectivement que c'est ce que l'Écriture enseigne, que c'est plutôt Marie qui est pleine de grâce. Qui est pleine de grâce. Oh, la Bible déclare que c'est Jésus. Salut Marie, pleine de grâce. Voilà, juste salut Marie, pleine de grâce. Vous voyez effectivement que. Alors, vous voyez les paroles démoniaques comme ça, ça se trouve dans la chanson. Et si vous remarquez très attentivement la constance de la musique de cet homme-là, si vous suivez la constance de la musique de cet homme, vous allez remarquer que la musique est tellement délicieuse que si vous ne prêtez pas attention. Enfin, avant même de travailler là-dessus, j'avais mis cela ici au Cameroun. J'ai observé, dit que chantons ces chansons-ci. Et puis, j'ai observé les gens chanter. Et subitement, même ceux qui savent effectivement que Marie n'est pas la mère de Dieu, Marie des catholiques ne doit pas être glorifiée telle que les catholiques le glorifient, sont arrivés là-bas, ils ont chanté en traversant. J'étais étonné. Vous savez, parce que l'esprit est déjà préparé à admettre des choses. Un peu comme la sœur, tout le cas, elle parle de cadence à cadence comme ça. De cadence à cadence. De cadence à cadence, ça l'entraîne. Elle peut, à un moment donné, elle dit Jésus, salaud, sans se rendre compte. Elle est entraînée sous le coup de cette musique-là. Donc, il faut véritablement vérifier que chaque parole d'un cantique ou bien d'une musique, quelconque, est conforme à la parole du Seigneur. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, voilà un exemple. On dit, elle est l'épouse du Saint-Esprit, c'est un autre problème là-bas, mais qu'elle est pleine de grâce. En elle se trouve la plénitude. La plénitude ne s'est jamais trouvée dans Marie. La plénitude se trouve en Christ Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Maintenant, vous y êtes. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. J'espère que nous sommes en train d'être édifiés. La soeur, merci vraiment pour cette question-là qui va beaucoup arranger beaucoup de choses. D'accord? Bon, mon frère, c'est moi qui te remercie vraiment. Ça me titillait beaucoup. Hein. Et je m'interrogeais énormément. Et donc, du coup, j'ai pas osé poser la question au départ. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse pour être clair. Bon, souvenez-vous de ceci, s'il vous plaît. S'il y a n'importe quoi qui vous gêne dans votre foi, posez la question. Voilà, il croit que c'est quelqu'un a dû mettre cette musique-là. C'est la sœur qui a mis cela dans Jéhovah, n'est pas le nom de Dieu. Donc, je t'en ai dit, prenez courage et ne vous lassez pas de poser des questions. Parce qu'en posant des questions, il y a beaucoup de choses qu'on a admis pour vrai. Beaucoup de choses qu'on a eu à développer, beaucoup de choses, puisque sur Internet, vous trouvez n'importe quoi. C'est le marché central, comme le dit souvent mon épouse. C'est le marché central, on trouve n'importe quoi. Au marché central, vous pouvez trouver en même temps du poisson, en même temps du poison. Il suffit de changer seulement S dans un endroit et puis vous remarquez que ça devient le poison. Donc, vous effectivement que si vous allez n'importe où sur Internet, vous pouvez avoir quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. Il y en a n'importe quoi. Donc, vous posez des questions parce que la question que tu te poses, forcément, quelqu'un se la pose quelque part. Et forcément, ça va éclairer les uns et les autres. C'est pour ça que ne vous lassez pas de poser des questions. Toutes vos questions bibliques, posées, le Saint-Esprit est disposé pour nous. D'accord? Il faut que les gens soient clairs parce qu'il ne faut pas qu'on adore le Seigneur. Bon, combien de personnes chantent les cantiques, la voix du Seigneur m'appelle? Chaque jour dans le monde. Et si vous allez même sur YouTube, vous allez certainement trouver ça en mélodie ou bien en lyrics avec ça, où les gens vont télécharger, mettre chez eux, continuer à balancer comme la soeur a mis là, à gauche, à droite. Et là, voilà, en avoir que. Bon, alors maintenant, on va chanter. Maintenant, la soeur prend ses couplets là, tu chantes encore et là-bas, tu effaces le envie, là, tu mets désir. Donc, si vous m'écoutez. Voilà, c'est déjà même fait, mon frère. Voilà. Donc, j'ai corrigé ça tout de suite. Donc, si les gens m'écoutent maintenant, si les gens nous écoutent maintenant, dans ces cantiques de façon spécifique, là où on chante, n'avoir qu'une seule envie, qu'ils mettent un seul défi. Bon, maintenant, prenons encore. Je crois que le frère Yves est de la Côte d'Ivoire, il va savoir de quoi je parle. Je suis dans la joie. Alors, on y va. Alors, chantons tous ensemble. Allons-y, 1, 2, 3. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Ah ah, donc ma soeur, toi qui es spirituelle, tu es dans l'émotion, c'est ça? Tu as dit de chanter, mon frère. Oui, mais est-ce que tu t'es rendu? Je ne suis pas dans l'émotion. Ah, non. La soeur, tu connaissais ça, n'est-ce pas? Mon frère, je chantais ça jusqu'à... Ah. La sœur Colonne, tu connaissais aussi ça? Et moi? La sœur Claudon, tu chantais également cela? Ah. Oh. Tu ne connais pas ça, là, sur le frère Yves? Non, oui, j'ai... Plusieurs fois, les gars ont chanté sur YouTube, bon. Mais comme je n'écoute pas trop ces gens de tout, donc ça fait... C'est madame qui écoute. Pardon, mon frère. Le frère, la soeur Suzanne, tu étais là, tu nous écoutais. Oui, je vous écoutais, mais je parlais dans le vide. Ah oui, tu avais fermé ton micro. Alors, mais cette chanson de Je suis dans la joie, tu étais là aussi. Tu étais dans la joie, non? Juste, tu étais dans l'émission. Donc, vous voyez que cette chanson-là est faite seulement pour réveiller les émotions, justement, des gens. Et c'est pour ça qu'on nous parle de l'église réveillée. En fait, c'est l'église bruitière, comme j'aime appeler. Ça fait des bruits, mais lorsque ça finit, vous vous entrez encore dans le sommeil. Lorsqu'on a fini de chanter ça, la période de l'enseignement, chacun rentre dans le sommeil. Et c'est ce que les gens de l'Amérique ont importé. En important, ça, ils ont dit il faut inculquer, envoyer au milieu de l'église beaucoup de musique qui fait bouger. Parce qu'en faisant, nous allons réveiller les gens. Maintenant, on peut maintenant envoyer la parole dans les âmes des gens. Or, ça, c'est une technique de manipulation que même les psychologues connaissent très bien. Mettre les gens dans un état spirituel, dans un état de l'émotion pour pouvoir parler. Ça, c'est démoniaque. C'est justement ça qui est démoniaque. C'est la manipulation de l'émotion des gens. Ça ne doit pas être comme ça. La parole sort. Ça sort et le Saint-Esprit fait de cette parole ce qu'elle veut. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, maintenant. Vous voyez maintenant que. Ça, c'est, mais là, maintenant, on dit que c'est un pasteur. Il s'appelle Pasteur Guy. Comment se fait-il qu'un pasteur puisse chanter de telles choses? Un pasteur, s'il s'appelle. S'il est vraiment pasteur. Comment? Si c'est un pasteur qui chante. Pas étonnant donc que l'une de ses fidèles ou une de ses sœurs va chanter à son tour, que son nom soit écrit en haut. Parce que si l'autre est dans l'émotion, on peut être dans l'émotion, pour se demander que leur nom soit écrit en haut. Vous voyez qu'il y a un problème au milieu de l'église, n'est-ce pas ma sœur? Mm-hmm. Voilà. Donc. Attends, je vais te demander un truc, toi, si c'est possible. Oui. Je veux savoir quelque chose, quoi. Si soit un pasteur, si un pasteur soit fait un cantique comme tu le dis là, et c'est pas comprendre la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut ressortir ici? Ça signifie qu'il est bon, il est faux, ou il est très pasteur? Bon, je vais savoir quoi. En tout cas, l'apôtre Jean a posé la question que la source fait-elle jaillir l'eau douce et l'eau amère? C'est à toi de prendre la question. Tu as vu un jour la mandarine produire la goyave, frère? Non, mais je le sais très bien, je sais. Non, c'est juste pour avoir une certitude, quoi, pour autre chose. Sinon, moi, je sais que je t'avais déjà expliqué ces trucs, quoi. Mmh, la certitude la plus sûre, c'est que le goyave ne produira jamais de la mangue. Nous sommes d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit qu'à leurs fruits, qu'on va reconnaître, les choses à leurs fruits. D'accord. Maintenant, allons dans le Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Dans la chapitre 5, lisez le verset dont je vous ai donné aujourd'hui. Ah, idolâtrie. Verset, oui. Vous remarquez très attentivement aussi là, les œuvres de la chair, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Enfin, je commence au verset. Verset 19 ou je pense le 20. Ta connexion n'est pas bonne, ma soeur. Allons-y encore, recommence encore. Ta connexion est dérangée là. Idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie, choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc ça veut dire que comme tu as chanté tout à l'heure, là, ça veut dire qu'on te dit qu'on t'a prévenu que quoi? Que je n'hériterai pas du royaume de Dieu si je continue. Voilà, parce que l'envie est positionnée dans la position de l'œuf de la chair, n'est-ce pas? Oui. Verset 26. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Oui, on doit porter envie les uns aux autres. Mais toi, tu as dit que tu enviais quoi, d'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus-Christ pour toujours, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez effectivement qu'il y a encore notre langage, bien que les gens puissent dire ainsi, que non, ce n'est qu'un langage, ce n'est qu'un détail. Mais la Bible entre dans les détails là, n'est-ce pas? Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui, en français, vont dire, par exemple, j'adore cette musique. J'adore. Les vers des reines là, c'est quelle marque? C'est la marque Fa. J'adore tes vers. Le téléphone Samsung, j'adore. L'ordinateur, j'adore. Alors maintenant, vous voyez, effectivement, on dit, c'est devenu balade dans la langue française au point où, même si vous suivez quelque chose en anglais, on dit que Jesus said he love you. Il va dire maintenant, Jésus a dit que je l'adore. Or, vous voyez effectivement que le mot adorer n'a été fait que pour uniquement à être appliqué au divin créateur. Et bien maintenant, si on l'applique à une autre chose, ça se pose que vous mettez cette chose-là au même niveau que le créateur. Donc, si quelqu'un dit par exemple que j'adore l'ananas, ça se pose qu'il a dit l'ananas est son Dieu. Parce qu'il est écrit que tu adoreras le Seigneur seul, lui seul, tu dois adorer. Or, maintenant, combien donc, y compris les chrétiens, passent le temps à dire ces choses-là. Vous voyez ce que l'on est, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on fasse attention. Donc, si je comprends bien, on peut aussi dire que j'adore ma femme. Donc, tu lui dis ça souvent, mon frère? Ah ouais, c'est fréquent. Hein, mon frère? C'est fréquent, ouais, on le dit quand même. Bon, donc ça dit quand même mon frère vit dans le péché. Donc, ta femme, c'est la déesse alors. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de langage, d'accord, mon frère? L'adoration, uniquement. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Et vous notez également Exode, chapitre 20, concernant cela. Je vais faire une proposition, si ça te va, quoi. Oui. La prochaine fois, c'est pas mieux que tu comment dirais-je, tu mettes déjà d'avance le verset, là, vraiment. Comme ça, au point. Vraiment, hein. Donc, maintenant, comme tu as posé la question, là, j'avais le verset d'abord avant. Non, je demande, tu n'as pas compris. Je parle de. Comment on appelle ça? Je parle d'enseignement, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un enseignement, soit aujourd'hui, qui est prévu aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'enseignement prévu. C'est comme tu es en train de voir là. Est-ce que c'était prévu? Ou tu es en train d'entendre, on pose les questions, je réponds pas. Tu ne sais pas, je n'ai jamais fait ce genre de truc-là. Okay. Si c'est pas, ça fait la pas, donc je ne sais pas. Ah, ok. Bon, on ne prévoit pas les enseignements, on va accepter. Sinon, je ne sais pas. Je pensais que. C'est un truc qui t'a dit à le culte. Tu dis? Frère Yves, bonne arrivée. Bonsoir et bonne arrivée, d'accord? Courage. Tu vas laisser la sonnerie de rire, n'est-ce pas? La sœur amie, pourquoi tu lui dis? Explique au frère Yves, d'accord? Explique-lui. Mon frère, c'est selon ce que l'esprit, le Saint-Esprit nous conduit. Donc, il n'y a pas vraiment de culte. Chacun pose des questions et le frère répond selon la parole, quoi. Donc. Ok. Voilà. Comme ça, donc. C'est comme le Seigneur dirige, d'accord? Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de deux. On connaît seulement l'heure à laquelle on commence et puis on ne sait pas quand ça va s'arrêter. C'est comme ça. Ok. Voilà. La sœur Christiane, bonne arrivée et bonsoir. Bonsoir, le bien-aimé. Comment tu vas? Tu es fidèle au rendez-vous avec un retard toujours précis. Je savais que la phrase allait sortir. Bonne arrivée de toute façon. Dis bonsoir à ton frère Yves là. Mais je crois que ça serait bien que vous mettiez les vidéos pour vous voir, pour vous connaître. Parce que moi, vous me connaissez déjà. Oh. Ah, ok, mais comme moi, je suis au lit là. C'est ça qui me fatigue un peu. Ouais, non. Comme on te voit à la porte là, tu es à la porte, tu ne veux même pas entrer dans la porte. Ouais, c'est bon. Voilà, sœur Christiane. Frère Julien. Oui, ma sœur. Il y avait un parfum que j'utilisais avant, Dior, j'adore. Voilà. Et après quelques temps, le Saint-Esprit m'a révélé que je ne devais plus utiliser tout ce qui est parfum dans le monde, les grands parfums, les grandes marques, je ne devais plus utiliser ça, que je devais me réduire à utiliser les petits parfums à basique, quoi, sans prendre une grande marque, quoi, parce oui. que derrière ça, il y a, enfin, il y a des choses qui sont pas bonnes dans ces parfums-là. Voilà. Alors, maintenant, là, je vais encore toucher encore un autre domaine. Là, tu touches encore un autre domaine. On va, là, puisque la musique, le parfum sont les symboles de prière, ainsi de suite, je crois qu'il faudrait qu'on balaye ces zones-là ce soir, c'est d'accord? Là, également, on touche encore un autre domaine où il faut qu'on explique davantage des choses. D'accord? Voilà, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui passent à côté de toi, comme ça, ils peuvent sentir comme les boucs, vraiment, vraiment sentant là. Et là, maintenant... Ne me dites pas ça, j'ai encore mon parfum, j'adore Dieu. Ah non, il faut le jeter, hein. Non, non, si c'est vraiment le jeter. Si c'est j'adore, il faut suivre directement la ligne de cette sœur-là, c'est exactement comme tu en as dit, tu as adoré. Il n'y a que le Seigneur. Déjà, Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Oui, tout ce qui est grande marque, il faut tout jeter, parce qu'il y a des choses dedans qui le Seigneur n'accepte pas du tout. Bon. J'arrive là, gardez-vous à l'esprit, il faut garder cette volet à l'esprit. Je finis d'abord avec la musique jusqu'à ce qu'on épuise. Parce qu'il ne voudrait pas qu'on me pose la même question chaque fois, d'accord? Voilà. Matthieu, chapitre. J'ai dit chapitre 4, c'est ça? Oui. Lisez le verset 8 au verset 10. Je lis. Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Amen. On doit adorer et servir qui seul? Ah, on n'entend pas le frère. Comment? Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Maintenant, oui. Donc, d'après ce passage, dans le verset 9 et 10, on doit adorer qui et servir qui seul? Le Seigneur. Voilà. Maintenant, te voilà mon frère qui adore ta femme. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais là, c'est fini. J'adore d'abord le Seigneur pour la femme. Elle est où? Elle est où, pardon? Tu l'aimes, ta femme. Elle est où, ta femme, là? Elle est là, elle est ici. Voilà. Dis-lui que chérie, dis-lui pour qu'on entende. Dis-lui que chérie, je ne dois plus t'adorer. Je dois seulement t'aimer. Dis-lui comme ça. Mais elle, ça va à la fille, ma fille. Comment mon frère? Y a pas de... Non, pas qu'il n'y a pas de soucis. Dis-lui directement. Non, mais c'est qu'elle est au salon. Appelle-la, dis chérie. Dis chérie, je ne dois plus t'adorer. Il faut que ça sorte de ta bouche. Amore. Ah ah. Amore. On a hâte de ce coup. On a hâte, mon quoi. Donc, notre frère avait son Dieu, sa déesse à la maison, quoi. Et en tout temps, la sœur a sa part de petite idole quelque part dans un lieu de parfait là-bas. C'est ça, j'adore. Ah non, je dois plus t'adorer, mais je t'aime, c'est tout. C'est ça, non? C'est ça, dis-lui, mon frère, dis-lui. Dis-lui le pourquoi, il faut chérie, montrer. Je dois plus t'adorer, j'adore le Seigneur, mais je t'aime. Mm-hmm. Il ne faut pas qu'elle croie que ton amour va diminuer, que c'est parce que tu vas adorer maintenant quelqu'un d'autre, d'accord? C'est parce qu'elle est en train de prendre la place de Dieu. Montre-lui ça dans la Bible. Il faut que ça soit. Qu'elle sache que c'est dans la Bible, ça. D'accord? Ah, ok. Donc, mot, merci. Voilà, le mot adoration doit être appliqué. Doit être appliqué uniquement à notre Seigneur. Voilà. Ah, ok, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, on peut continuer, n'est-ce pas? Ok, merci. Voilà. Je crois que la soeur Christiane, s'il y a des bruits chez toi, tu fermes le micro pour que ça n'y ait pas d'interférence, pour qu'on travaille vraiment bien ce soir. Donc, nous avons vu jusqu'ici deux choses. Que en réalité, ce n'est pas le problème d'instrument de musique qui pose problème. Ce n'est pas le problème d'instrument de musique. C'est le style des contenus de cette musique-là. Que ce soit des dieux ou pas. C'est ça en réalité. Maintenant, on va aller dans la Bible. On va voir quelques. Prenez votre Bible dans le livre des deux rois. Rois, chapitre 3. Deux rois. Le frère Yves, veuille fermer ton micro, s'il te plaît. Ah, ok. Deux rois, chapitre 3, verset 11 à 16. Quelqu'un peut lire pour qu'on travaille rapidement. On continue là. Ton son, n'est pas, ton son n'est pas bon, la soeur là. Ton son n'est pas bon. Ah, ok, je laisse ça, ok. Là maintenant c'est bon parce que apparemment tu étais éloigné du micro. Ah, okay. Avant, je peux lire. Mais je vois pas dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, qui a dit Élisée, fils de Shaphat, qui a fait sur les mains de Dieu? Et Shaphat dit, parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Shaphat et le roi de Dieu descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qui a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Et il dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Amen, c'est ça? Jusqu'à ça? Amen. Et là, maintenant, il va prophétiser. Vous remarquez effectivement que qui a demandé qu'on amène la harpe? C'est le roi. C'est le roi que tu as vu dans ta version, ma chère sœur. Élisée? Qui est Élisée? C'est le prophète. C'est le prophète. Et lorsqu'on a joué la musique, c'est tombé sur lui, n'est-ce pas? L'esprit, la main du Seigneur se fait sur lui. Là, il va prophétiser. Maintenant, remarquez, je vais passer du temps dans l'Ancien Testament, vous expliquer quelque chose. On va d'abord lire, puis par la suite, on va aller dans le Nouveau Testament maintenant. Parce qu'il faut qu'on balaye vraiment ce problème de musique ici maintenant. D'accord? J'aurais souhaité passer du temps là maintenant, et puis maintenant, quitter. Ça, c'est l'Ancien Testament. On finit l'Ancien Testament, j'entre dans le Nouveau Testament, puis on va dans l'histoire de la musique dite chrétienne moderne. Comment ça a commencé sur les différents papes et au-delà, comment on a fait inviter ça au milieu de l'église, au point où on a créé ce qu'on appelait aujourd'hui les chantres. Toutes ces choses-là, ça ne se trouve pas dans l'église, d'accord? Donc, maintenant, prenez encore les notes une fois de plus concernant. Je crois que vous allez savoir faire la part des choses. Tout à l'heure, on a noté sur les envies. Maintenant, on va toucher sur le cadre des musiques et les instruments. Puis par la suite, on va toucher maintenant sur le cadre des ces du Nouveau Testament. Un chronique. La soeur Christian, ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. Un chronique, chapitre 15. Versets 16, 22 et 27. Notez d'abord. On va piper quelques versets là, on va lire. Un chronique, chapitre 15. Versets 16, 22 et 27. Chapitre 16, verset 5. Vous y êtes. 2 Chroniques, chapitre 23, verset 13. 2 Chroniques, chapitre 23, verset 13. Et chapitre 34, verset 12. Néhémie. Je crois qu'en même temps, vous allez écrire. Si c'est possible, vous écrivez aussi la même chose. Pour que notre frère qui ne nous suit pas très attentivement puisse l'avoir. Néhémie chapitre 12, verset 36. Deux chroniques chapitre. Voilà. Deux chroniques chapitre 23. Oh, verset 13. Frère, le saint va écrire sur le forum et tu vas noter là-bas. Parce, à ce rythme-là, on n'en finira pas aujourd'hui. Parce que pourtant, il faut bien développer ces choses-ci. Donc, Néhémie chapitre 12, verset 36. Ézéchiel chapitre 33, verset 30 à 32. Vous y êtes. Daniel, chapitre 3, verset 5. 7. Daniel chapitre 3, verset 5 et verset 7. Et enfin, Amos. Remarquez très attentivement que je n'ai pas cité un seul verset du psaume. Je n'ai pas cité un seul verset du psaume, n'est-ce pas? Amos combien, mon frère? Amos. Ma soeur, tu as noté là. Voilà, c'est écrit sur le forum. Comment ne vous inquiétez pas, je fais la page. Allez-y, je coupe. J'écris en même temps. Oui. Donc, Amos, combien? Donne à la soeur, elle écoute. Je crois que vous allez voir ça sur le forum. Mais Amos, tu n'as pas encore donné de verset. Oui. Tu n'as pas dit, mon frère. Vous avez moi. Amos chapitre oui. 6, verset 5. Bien sûr. Amos chapitre 6, verset 5. C'est bon là? Non, c'est bon. Prenez ce qu'on a lu, ce qu'on a noté dans Ézéchiel et dans Amos et lisons. La sœur, tu peux nous lire alors? On commence par Ézéchiel. Courage. La sœur Amity est dans le livre d'Ézéchiel. Tu lis rapidement le temps que la sœur cherche Amos. Parce que ça sera difficile. Je m'excuse de vous avoir donné les livres difficiles à trouver. Oui, j'ai Ézéchiel. Oui. Je lis. Ah oui, si tu l'as. Alors, Ézéchiel, chapitre 34, verset 30. Elles sauront que moi, l'Éternel, c'était 33, hein, c'était 33, verset 30. Ouais. 33, c'est ça, c'est pas 30. Oh là. Ouais. 33, quel verset? 30. 32. Ok. Ouais, j'avais noté 34, moi. Autant pour moi. Alors, et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi, près des nues et aux portes des maisons. Ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Et ils seront dans foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Voilà, c'est bon. C'est bon. Vous voyez que le Seigneur compare ici le prophète Ézéchiel qui prêche la parole à Israël et ils ne comprennent pas comme les musiciens qui peuvent dire des paroles que vous suivez au point où ça... Bonsoir, couple de travail, bienvenue à ces soirées. Voilà. Nous traitons de la musique dite chrétienne, gospel, mais tous ces autres corollaires avec toutes les autres choses. Bonsoir. Bonsoir. et bienvenue. Bonsoir, Frère Julien. Bonsoir, les sœurs. Ça n'a pas été facile ce soir, n'est-ce pas? Ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans quelques instants, le temps que ton mari vient, on va faire un bref résumé de ce qu'on a vu jusque-là pour que vous soyez à la page, d'accord? Ok. Donc, la Bible déclare dans ce livre d'Ézéchiel, au chapitre 33, le Seigneur compare ici Ézéchiel pour ceux dont qui étaient au-devant de lui, la maison d'Israël, qui venait chaque fois se renseigner et entendre la parole du Seigneur. Et il ne mettait pas en pratique comme un habile musicien qui chante le son des gens. Là, c'est que le micro est ouvert et puis ça dérange là. Lorsque il prêche, lui, le prophète Ézéchiel prêche, il n'entend pas. Dieu le compare aux musiciens. Remarquez bien comment on a fait, comment on a défini la musique et les musiciens. Qu'est-ce qu'il dit encore la sœur Reine? Qu'est-ce qu'on dit d'eux? Elle n'a pas encore le passage. Le verset 31, verset 31 du chapitre 33, je crois que c'est ça. La sœur Annie. Oui, la musique est agréable, belle. Il y a de belles mélodies, donc ça fait danser. Oui, comme tu dansais tout à l'heure là. N'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus pour. D'autres chants jusqu'à ce qu'elle calme. Vous voyez une sœur, elle calme comme ça jusqu'à ce que les larmes commencent à couler. Je me pose bien la question sur ces larmes là. Bon, maintenant, on va aller à l'origine. Je veux toute votre attention maintenant. Je veux toute votre attention. Vous y êtes? Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose doucement. Notez Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. La sœur Suzanne Clodon, ferme le micro. Ferme le micro. Ferme le micro. Pardon. Ok, merci Père, merci Père. Je crois que je pourrais dire des choses ce soir-ci. Même si ça peut secouer, que ça secoue, mais de toute façon. Ézéchiel chapitre 28, regardons. Allons-y là-bas, vous y êtes. Puisque vous êtes dans Ézéchiel, je veux que vous notiez ça et puis je vais aller dans Genèse. Parce que, mais au préalable, avant d'aller à la Genèse, je vais faire un briefing pour que nos soeurs puissent savoir de quoi on en est de parler. Et puis avant d'avancer. Maintenant, je vais lire Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 11. Je vais lire, vous poser des questions. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte contre quoi? Une complainte sur le roi des Tyres. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin des dieux. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scaboucles, d'émeraudes et d'or. Maintenant, soulignez ceci. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Soulignez cela. Vous avez souligné le verset, la partie C du verset 13 là. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Mes chers frères et sœurs, on parle de qui ici? De Satan. On parle de Lucifer. Pas de Satan, d'accord? De Lucifer. Lucifer. Voilà, on parle de Lucifer. Vous voyez la différence à cet instant-ci? Parce qu'en réalité, il n'a pas créé Satan. Il a créé Lucifer. D'accord? Voilà. Maintenant, tu étais, verset 14 encore, tu étais un chérubin aux ailes, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne des dieux et je te fais disparaître, chérubin protecteur, des milieux de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Vous y êtes? Gardez dans le dernier volet du verset 13. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparer pour le jour où tu fus créé. Donc, vous savez ce qu'on appelle les tambourins, les flûtes, ainsi de suite, n'est-ce pas? C'est quels instruments? Les instruments de musique. Donc, Dieu a créé les instruments de musique avant de créer Satan. C'est ce qu'il dit là-bas, pas vrai? Bonsoir et bienvenue dans Belgique, dans la sainteté. Bonsoir, et ici, dans ce que Dieu dit là, il dit qu'il a placé sur la montagne de Dieu. Et souvenez-vous maintenant, notez également Hébreux chapitre 12, verset 18 au verset 22. Dans Hébreux chapitre 12, oh mon Dieu, j'espère que ce soir, je vais m'en sortir avec ceci maintenant. Ça va m'entraîner partout là maintenant. Bon maintenant, regardez. Dans Hébreux chapitre 12, je vais paraphraser rapidement là et on va continuer parce que sinon, ça va. Dans Hébreux chapitre 12, dans le verset 18 au verset 20, où l'apôtre Paul explique le fait que les chrétiens ne sont pas approchés de la montagne comme la montagne de Sion, ou enfin la montagne d'Horeb, où on ne pouvait pas approcher quand Dieu est venu dans Exode chapitre 19 et chapitre 20 pour parler. Il spécifie le style de montagne où les chrétiens sont venus par la foi en Jésus-Christ, avec l'union au Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Maintenant, ça veut dire que cette montagne-là n'est pas de cette dimension, n'est pas de la dimension humaine, c'est pas sur la terre, n'est-ce pas? Là maintenant, Dieu dit ici qu'il avait placé sur la montagne de Dieu. Et cette montagne, ce n'est pas la montagne qui est ici, ce n'est pas sur la terre. Et là donc, Dieu dit qu'il a été placé au milieu des pieds étincelants, des tambourins et des flûtes étaient à son service pour préparer pour le jour où tu fais crier. Donc avant que Dieu ne le crée, Dieu a préparé les tambourins et les flûtes pour que ça soit à son service. Amen. Donc, la première discothèque de musique là-bas, qui l'a créé? Dieu. Maintenant, la Bible déclare maintenant que par sa beauté, par sa sagesse et autres, là, il a péché et il a été précipité où? Sur terre. Alors, sur terre. Voilà, sur terre. Allons donc voir la réplique, la première réplique. C'est ça. C'est pour ça que je vais vous toucher sur un fil avant d'avancer. Genèse chapitre 4. Rassurez-vous, je ne vais pas parler du péché originel. Mais je vais glisser seulement un peu. Ne vous effrayez pas, d'accord, la soeur amie? On ne peut pas rentrer là-bas sans le toucher. Peu importe. Tu te refuses. Vous savez qu'il y a des gens qui disent que, oh, frère Junior, on t'aime, mais ton truc de serpent qui a couché avec Eve, là, on n'aime pas entendre. N'entendez pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Rentrons là. On y va, Genèse chapitre 4. Je vais vous montrer quelque chose et il va falloir que vous fassiez attention chaque fois avec ce qui est dans la Bible. Dès que vous y êtes, je lis. Voilà. Je vais lire à partir du verset 1. À partir du verset 1, donc suivez très attentivement jusqu'à ce qu'il m'arrête. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et l'Éternel porta, écoutez bien très attentivement, ah mon Dieu, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Maintenant, regardez-moi dans les yeux, je vous dis quelque chose. Remarquez très attentivement que la Bible nous dit de façon spécifique que Dieu n'a pas porté le regard sur les offrandes d'abord. C'est sur les personnes qui offrent les offrandes. On dit regard favorable sur Abel, puis sur son offrande. Ah, vous parlez de Bible là maintenant. De toute façon, on n'a pas parlé de musique. J'aurais souhaité maintenant encore entrer là-dedans. Vous voyez, je me sens vraiment bien ici à Douala au Cameroun. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, Belgique. Regardez très attentivement que Dieu a porté les regards sur la personne, puis sur les offrandes. Avis aux gens qui pensent qu'ils peuvent vivre dans la position n'importe comment, venir donner l'offrande à Dieu, quoi que Dieu s'intéresse sur les offrandes. Il a porté, je vais le répéter parce que je vais y revenir dans un de ces jours. Il a porté les regards sur la personne qui donne l'offrande. C'est quand tu lui es agréable qu'il agresse ce que tu lui donnes. Oh. Amen. Oh oui. Mon Dieu. Oui. Regardez très attentivement. Et que ce soit les deux, enfin Abel et Caïn, il va d'abord regarder les personnes. Regardez verset 4 encore. Et Abel de son côté en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, ah mon Dieu. Bon, c'est pas le moment. Attendez, continuons. Père, aide-nous seulement. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Qu'est-ce que Dieu appréciait dans. Ah non, je crois qu'il ferait mieux de continuer. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage es-tu abattu? Tu vois, il faut comme s'il ne connaît même pas ce qu'il te demande. Alors que c'est lui qui commence les problèmes ici. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Maintenant, soulignez. Oh. Bon. Vous permettez qu'il fasse une parenthèse, d'accord? Vous avez déjà eu à lire Romains chapitre 7, n'est-ce pas? Oui. Où la Bible déclare que cet homme-là a une dualité, il veut combattre, il veut vivre la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais s'il trouve dans ses membres une autre loi qui est contraire, le péché qui habite en lui. Oui. Pouvez-vous dominer le péché dans votre vie? Oui. Est-ce que quelqu'un qui a le péché dans lui, il peut dominer ce péché-là par lui-même? Non, c'est impossible. Ok, de toute façon, on continue ici. Verset 7 encore. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il y a des choses pleines dans ces jeunesses-ci. Je crois qu'il y a encore le moment, le péché de jeûne n'est pas encore fini. C'est visiblement arrivé encore, on va encore faire encore un autre enseignement contre moi. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Nous sommes dans la musique. Laissez-moi, il avance dans ma musique. Là. Il arrive quelque part. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Verset 13. Caïn se repentit en demandant pardon à Dieu de lui pardonner ses péchés. Vous avez vu ça? Non. C'est le verset 13 là-bas, n'est-ce pas, ma soeur amie? Non. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Donc le gars est prêt à supporter le châtiment. Verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Donc, vous voyez effectivement qu'à cette instance, il y a des gens sur la terre déjà, n'est-ce pas? Maintenant, verset 15. L'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Vous voyez le premier tatouage, n'est-ce pas? Le premier tatouage a été mis sur quelqu'un qui a été marqué comme un maudit. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Juste en allant au niveau de la prééminence, des prémices, ainsi de suite. Maintenant, verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Vous y êtes? Maintenant, verset 16. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Soulignez, s'éloigner de la face de l'Éternel. Ah, il y a des choses à dire ici. Mais permettez-moi d'aller dans la direction des... Je crois que la soeur Suzanne Clunon a soit son portable est déchargé, le temps qu'elle recharge pour revenir. Mais de toute façon, elle va écouter ceci en rediffusion. Dieu voulant. Maintenant, regardez. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod à l'orient d'Éden. Où est-ce qu'on peut aller loin de la face de Dieu? Ok. Bon, c'est bon. C'est bon jusque-là. J'arrive vraiment avec la Genèse encore. Verset 17, continuons maintenant. Maintenant, je vais entrer en plein pied pourquoi je suis revenu ici. Gardez-vous à l'esprit que nous avons lu Genèse chapitre 28. Je vais dire quelque chose à propos. Ézéchiel chapitre 28 tout à l'heure. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et on s'est arrêté au verset 15. Je crois que c'est au verset 15 on s'est arrêté où on parlait de tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Gardez-vous à l'esprit ces versets-là. Maintenant, on va mettre en relation avec Genèse. Maintenant, on va voir quelque chose. Maintenant, verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Vous avez vu cela? Vous voyez, vous commencez à voir qu'il y a un problème avec cette descendance-ci. La notoriété, la soif de se faire connaître, la soif d'avoir le monument pour soi, de vendre son image. Ah mon Dieu, quel modernisme nous avons. Verset 18, boulevard Charles de Gaulle. Institut Jean-Paul II. Oh, tu parles. Verset 18. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujael. Mehujael engendra Metushael. Et Metushael engendra Lémec. Suivez maintenant ces messieurs-ci maintenant. Lémec prit deux femmes. Vous avez vu? Donc. Et le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Je vais vous montrer. Bienvenue encore à la sœur Claude. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, je suis allée changer la petite. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Coupez le micro, c'est pas évident. Les mères chrétiennes, on va prier pour vous. Courage. Merci, Amen. Merci encore pour ta question qui nous alimente ce soir. Que Dieu te bénisse vraiment pour la question que tu as posée. Ferme le micro, alors, ma soeur. Voilà. Voilà, suivons, monsieur, si le monsieur de l'émec de verset 19 là. L'émec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Maintenant, nous voyons effectivement que le verset 17 nous fait révéler que la première lignée, ou bien la première manifestation de la soif de la gloire de l'homme, de l'exploit de l'homme, vient de la lignée de Caïn. Je suis quelque chose. Nous sommes un tel. Nous nous bâtissons un nom, la ville de Noc. Ouais, là, n'est-ce pas? Deuxièmement, la première lignée des polygames vient là-bas, n'est-ce pas? C'est ça. Les mecs ont pris deux femmes. Maintenant, suivez l'héritage qu'il donne comme bon conseil qu'il donne pour sa femme. Suivez. Verset 20. Ada enfanta. Maintenant, suivez la femme là. Ada enfanta qui? Jabal. Écoutez, il fut le père de ceux qui habitent sur des tentes et des troupeaux. Le nom de tes frères était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Souligné. J'arrive. On y va. Amen. Donc, sur la terre, les premiers instruments de musique ont été manifestés dans la lignée de Lucifer. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Oui. On va prendre la chose. Maintenant, quoi, chose là? Ah, oui. Oui, la soeur Travi, c'est moque derrière de moi que les Ivoiriens m'ont déjà terminé avec chose. Oui, la soeur Ami, allons-y. Oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Enfin, je crois comprendre qu'il y avait des autres gens qui habitaient aussi à l'époque. Avec Abel et Caïn, il y avait d'autres personnes aussi. Il y avait déjà des habitants sur la Terre, mais, ce n'est pas les habitants qui sont extraterrestres, comme les théories des gens là le disent. Ce sont les enfants d'Adam et de Ève. Oui, oui. Ce sont les enfants d'Adam et Ève. On peut avancer. Oui, la sœur Christiane. Oui, est-ce que le fait que les premiers instruments qui sont sur la terre venaient de la tribu de Caïn, est-ce que ça veut dire que si le Seigneur a créé les instruments avec le tuyau du Seigneur, ça veut dire que ça aussi. La sœur parle à ton micro, ça, on ne t'entend pas bien, et ne bouge pas. Je veux dire que ça. Oui. Quand on a créé dans ce Seigneur, le Seigneur a créé ça. Et comme tu ouvres les yeux par la grâce du Seigneur, Alors ma soeur, on ne t'entend pas du tout. Je crois que ma soeur, écris sur le forum et une soeur qui a le micro, dont le micro est bon, plus libre pour qu'on puisse répondre, d'accord? Et de toute façon, je crois savoir que tu veux savoir que. Écris ta question pour qu'il ne répond pas à une autre question. Bon, le temps que la soeur l'écrit. Non, écris ton micro. Ta micro. Ève, elle a accouché seulement deux enfants. Qui t'a dit ça? Bah, au début, c'est. Qui t'a dit, ma soeur? Non, c'est ce que je lis seulement qu'il n'y avait que Caïn et Abel. Ça, c'est le film, ça, c'est pas la Bible. Ça, c'est le film Hollywood. On s'est focalisé sur ces deux-là et ce qu'ils ont fait. On s'est seulement focalisé sur eux, d'accord? On s'est focalisé sur eux. Ce sont les premiers. Maintenant, allons au chapitre 5. Voici, allons-y, au chapitre 5. Verset 5, lis voir. Verset 4 et 5. Verset 4 et 5, lis. Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. C'est cette terminologie que tu vas entendre là-bas. Donc on va revenir sur ça le temps avant qu'on ait... On quitte notre sujet là maintenant, d'accord, ma chère sœur? Voilà. Okay. Maintenant, suivez très attentivement. Si la sœur a déjà tapé sa question, quelqu'un veuille lire pour qu'on. S'il faut coordonner avec cela, on avance. Elle a déjà tapé, elle n'a pas encore tapé. Bon, regardez très attentivement ici. Donc, nous avons convenu que le mec a été le premier polygame. N'est-ce pas? La première personne qui a bâti des villes de la renommée. La renommée, la gloire de l'homme. La confrontation de la gloire de l'homme sur la terre, c'est dans cette lignée-ci. La première personne qui a engendré, qui a pris deux femmes dans la polygamie, c'est cet homme-ci, comme la Bible le présente maintenant. Maintenant, suivons un monsieur qu'on appelle Jubal là-bas. Le verset 21 nous dit que le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et le chalumeau. Donc, les premières personnes qui ont commencé à concevoir le truc de musique sur la terre, c'est la lignée de Lucifer. Nous sommes d'accord. Maintenant, verset 22. S'il a de son côté enfanta Tubal-Caïn. Regardez le verset 22 du chapitre 4 des Genèse. S'il a de son côté enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Donc nous voyons effectivement que la recherche scientifique, pour que quelqu'un va dans le sol pour prendre des choses et commence à voir comment le cuivre va produire telle ou telle chose, la recherche scientifique, sa lignée vient d'ici, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Maintenant, verset 23, le mec dit à ses femmes, Ada est là, écoutez ma voix. Femme de l'Émec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et l'Émec 77 fois. Donc vous comprenez que plus on est en train de monter, plus la perversion est en train de se multiplier. N'est-ce pas? Maintenant, je vais d'abord m'arrêter ici, donc il va avancer maintenant dans les explications. Préparez-vous à noter maintenant dans les psaumes, parce qu'on va aller dans les psaumes, on va lire beaucoup de passages. Vous avez entendu l'expression la cité de David. La cité de David, oui. C'est où ça? En psaume. Non, vous voulez dire que c'est situé où? Sur cette terre, c'est la cité de David. Jérusalem. Jérusalem, il y a la ville du grand roi. À Jérusalem, il y a l'endroit, la montagne de Sion, ou bien cité de David, n'est-ce pas? Oui. La cité de David glorifie qui, Dieu ou David? David. Où est-ce que ceci est venu? D'où est venue cette inspiration-ci? Vous avez moi là? Oui. On va travailler ce soir. Bonsoir et bienvenue, Belgique, dans la sainteté. Ça vient de l'idolâtrie. Et c'est de l'idolâtrie? Tu poses la question ou tu réponds, ma soeur? Je réponds. Ok, qu'est-ce que tu réponds donc? Ben, c'est de l'idolâtrie à David. En fait, voici la question. Ça vient d'où? Qui a initié ça? Qui a initié ça, quoi? Oui, c'est ça. Est-ce le Seigneur? Voilà, maintenant. En fait, regardez-vous à l'esprit de tout ce qu'on a lu dans Genèse chapitre 4, là. Dans Genèse chapitre 4, parce que je vais aller en parallèle. La deuxième chose maintenant. On avance. Oui. Abraham avait combien de femmes que vous connaissez? Deux. Oui. Quoi? Ève. Comment? Et les concubines. Oui. Ça c'est quoi? On appelle ça là? Polygamie. Qui lui a demandé de faire cela? Sa femme. Sa femme lui a donné aussi. Et puis... C'est une inspiration humaine. Ouais. Bon, on peut mettre ça dans ce cadre-là. Hein. Psaume chapitre 33, verset 2. Psaume chapitre 33, verset 2. Si vous y êtes, lisez. « célébrer l'Éternel avec la A, célébrez-le sur le lieu à 10 corps. Donc maintenant on va célébrer l'Éternel sur quoi? Et sur? Sur le lieu. Et sur le lieu à? À 10 corps. Tout le monde y est? Mm-hmm. Oui, ouvrez le psaume 98, le verset 5 cette fois-ci. Je sens de l'air en parallèle. Je veux que vous, je veux seulement vous montrer quelque chose. Chantez à l'Éternel avec la harpe, avec la harpe, chantez des cantiques. Avec quoi? On chante avec quoi? Avec la harpe. La harpe. Chapitre 147, verset 7. Notre Seigneur est grand, d'une force immense. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les âmes. Psaume 147, le verset 7, ma soeur. Ah. Étonné, ami, à l'Éternel. Allons-y, ma soeur. Étonné, ami, à l'Éternel avec reconnaissance. Oui. Salut, oui. En l'honneur de notre Dieu avec la harpe. Voilà. Le 149, maintenant, verset 3. Puis on va au 150, on boucle là. 149, verset 3. On va lire aujourd'hui là. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Jean 150, verset 3 aussi maintenant. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Voilà. Encore, ma soeur, encore. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Voilà. On loue qui? L'Éternel. Ok. Il y a un problème. Comment il y a un problème? Alors. Au départ, dans le livre de Genèse, on a vu que la première manifestation sur la terre venait de quelle lignée? De Caïn. C'est pourquoi il dit qu'il y a un problème. Mm-hmm. Bon, donc remarquez très rapidement, j'ai pris dans l'ordre tel que nommé dans Genèse. On a vu en premier lieu la soif de la notoriété chez les hommes. Et là, ils ont d'abord bâti une ville qu'on a dit le nom d'Enoch. Je vous ai présenté dans la lignée de Dieu quelqu'un qui a aussi bâti une ville et donné son nom, la cité de David. On est au deuxième niveau, le polygame, les mecs. Je vous ai présenté, vous en connaissez des polygames. Il y a même l'autre qui a battu le record dans la Bible, qui est trop sage. Il a battu tellement de records. Vous le connaissez? Mm-hmm. Le Dieu. Oui. Puis maintenant, on touche maintenant le troisième, le fils de l'un des fils de Dada, qui s'appelait Jubal. On dit qu'il était le premier des instrumentiers, des tambourins, ainsi de suite. Maintenant, on voit maintenant quelqu'un qui a fait des instruments au point. Enfin, ça, il y en a tellement plein dans la Bible. Je vous ai seulement épargné quelques-uns. Il y en a tellement plein au point où même Jérutum, David avait conçu des instruments de musique et il y avait des chants qui devaient être positionnés pour cela. Et il devait jouer cela. Et chaque fois qu'il jouait, il y avait l'esprit qui venait. D'accord? Voilà. Maintenant, ça, c'est le deuxième. Donc, j'ai pris un du côté de Satan, puis j'ai pris du côté de Dieu. Vous allez voir qu'on en est en paix, n'est-ce pas? Le dernier maintenant, c'est la recherche scientifique, n'est-ce pas? On a vu effectivement que c'est ceux-là qui ont fait la découverte, c'est eux qui ont commencé à travailler les instruments comme, vous savez, aujourd'hui on fait des gravures sur l'or, on fait des gravures sur le cristaux, ainsi de suite. Alors dans le livre d'Exode, chapitre 31, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11 même. Quelqu'un va-t-il lire? Quelqu'un qui a un son bien clair? Le frère Trabi, tu peux nous lire ça? Exode chapitre 31, verset 1 à 11. Ce sera intéressant. Okay. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Abishaël, fils Betsaël, fils d'Uri, fils de Hut, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à encasser, oui. De travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Abioud, fils, je lui ai donné Oliab, fils d'Aïshamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. Mais c'est bon, on peut arrêter là-bas. Donc, on a compris la quintessence. Vous aurez le temps de lire jusqu'en bas. Donc, vous avez noté Exode chapitre 31, le verset 1 à 11, n'est-ce pas? Mais maintenant, là, Dieu nous dit que lui-même a choisi telle personne. Il a mis son esprit en lui, l'esprit de sagesse, pour qu'il soit capable d'invention, pour qu'il soit capable de travailler l'or, l'argent, les reins. Donc, en fait, dans la Bible, nous voyons donc que les inventions ou bien les choses qui ont commencé dans la lignée de Satan se retrouvent également dans la lignée de Dieu. D'abord, c'est le premier principe là que je voulais d'abord établir, n'est-ce pas? Mais la première personne qui a amené cette manifestation là sur la terre, c'est Lucifer. Ah, je peux dire des choses qui sont arrivées à ces jours-là. Mais on n'en est pas encore là, on arrive. Alors maintenant, voici ce qui se passe. Souvenons-nous maintenant que nous avions lu le livre d'Exode chapitre 28. On a dit que les tambourins, ces tambourins et ces luttes étaient à son service, préparés pour le jour où il suffit créer. Et on a vu que dans l'autre dimension, c'est Dieu qui a créé des choses et il est seulement venu trouver ça pour entrer dans le service. Parce qu'on a dit que ces choses étaient préparées pour le jour où il suffit créer. N'est-ce pas? On n'a pas dit qu'il a créé cela. On a dit que c'était à son service. Donc, on, comme une maison de service, on dit un bureau bien. On dit les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévue par la réglementation en vigueur lorsqu'on nomme les gens sur la terre. Lorsque vous entrez, si on dit qu'il y a une maison à votre service, votre maison de service, vous venez trouver la maison. Ouais, n'est-ce pas? Donc, cet tambourin, c'est lui-ci, était à son service. Donc, quand il est sorti de la création, il a trouvé cela et il était au milieu des pieds étincelants, n'est-ce pas, mes chers soeurs? Alors maintenant, lorsqu'il a été chassé, on l'a précipité à terre, il a répliqué et donné cette connaissance-là pour donner sa part de vision des choses selon ce qu'il a vu en haut. C'est exactement le type de gens qui sortent dans les dénominations. Quand ils sortent dans les dénominations, première chose, il veut faire le pupitre comme son père avait fait. Il ne peut pas faire autrement parce qu'ils ont été inculqués. Satan ne peut pas créer autre chose. Il a vu Dieu faire, il réplique seulement. Donc en clair, les instruments de musique ne sont pas démoniaques parce que ça vient de Dieu. Ça c'est un. On a vu que c'est Dieu qui a créé cela et il a vu en service. Enfin, allons-y maintenant, glissons dans l'Apocalypse avant de rentrer. Allons-y, rentrons au ciel. On peut aller au ciel rapidement sans passer par l'enlèvement. Mais on ne peut pas dans l'enlèvement parce qu'on ne peut plus revenir. D'accord? Allons-y. Faisons un détour par là-bas en pensée. D'accord? Ouvrons le livre d'Apocalypse. Écoutez très attentivement maintenant. Apocalypse, au moins là, ça sera à l'égalité. La sœur Claude, tu es avec nous là? Ne rate pas ceci maintenant. Là, vous avez remarqué que depuis, j'ai fait l'effort de rester dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, allons dans le Nouveau Testament, on voit maintenant. Et ça, le Nouveau Testament ne nous limite pas seulement sur la terre. On va dans le ciel maintenant pour voir dans le Nouveau Testament ce qu'on nous montre dans le ciel. Chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. N'oubliez pas d'écrire sur le forum par rapport au frère qui est là. Vous y êtes? Chapitre 5, verset 8 d'abord. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien, je rends encore grâce à Dieu pour la sœur Suzanne Clodon. Que Dieu te bénisse au centuple. Verset 8. Quelqu'un va-t-il lire aujourd'hui? Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Donc devant Dieu se trouvent donc qui? Des gens qui ont des harpes. On les appelle qui? Les 24 vieillards. Les 24 vieillards se prosternaient et chacun avait une harpe, n'est-ce pas? Chapitre 14. Versets 1 et 2. La sœur que sens-tu ne reçois bien Saint-Sucin? Ok, merci beaucoup. J'aime ce geste-là, que c'est bon. That's very good. Chapitre 14, versets 1 et 2. Je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme la voix de grands eaux, comme le bruit d'un fort coup, un fort coup de tonnerre, et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe jouant de la harpe. Voilà, chapitre 15, versets 1 et 2 encore. Il y a de trop de bases chez toi dans la salle là. Qui a une bonne chez la sœur Irène, c'est quoi que c'est, il y a un peu de formol dans sa connexion. Là, c'est le frère Trabi, je crois que c'est la neige qui dérange, il fait qu'il ne voit pas bien, il sait pas. La sœur Suzanne, c'est l'enfant qui dérange. Bon, on va prendre. Apocalypse chapitre 15 verset 1 et 2, la sœur Christian, essaie de lire, on va ce que tu vas, ce que ça va donner. Oui, je dis là. Seul un autre signe grand et admirable, sept anges qui tenaient cette fille, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer désert mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, debout sur la mer désert, ayant des arcs. Donc ceci, donc nous voyons effectivement que il y a des gens qui vont vaincre la bête, ils n'auront pas porté la marque ni adorer sa bête. Ils vont avoir quoi devant Dieu? Qu'est-ce qu'ils auront là? La harpe. Non, pas seulement les harpes. Quand vous lisez la Bible, faites attention. Quel style d'harpe? Ayant des harpes. Ayant des harpes de Dieu. Quel style d'harpe donc? Harpes qu'ils avaient? Ce sont les harpes de Dieu. Les harpes de Dieu. Voilà ce style d'harpe qu'ils ont. Oui. Alors que les autres ont parlé que les arbres, tout simplement. Donc ici, c'est Dieu lui-même qui leur a donné cela. Ça commence à diminuer un peu, un peu. Donc Dieu a ses arbres. Là, nous trouvons dans le Nouveau Testament, et c'est en haut. C'est qui se trouve en haut, n'est-ce pas? Vous y êtes? Nous y sommes. Voilà. Si vous lisez le chapitre 18, donc verset 22... Il va parler à la Babylone catholique et à tous les musiciens du monde qu'on va pas trouver chez eux les harpes des musiciens ni des musiciens. Il n'y aura pas de musiciens là-bas ni les porteurs des harpes. Donc, ils vont anéantir cela, là-bas. Donc, en clair, je recommence encore, les instruments de musique ne sont pas démoniaques. Parce que les instruments de musique peuvent être joués par les deux esprits pour manifester la gloire de ces deux grands esprits, l'esprit luciférien et l'esprit de Dieu. Nous avons vu cela dans la Bible déjà. Amen, amen. Ça veut donc dire l'esprit qui loue et qu'on loue et qui inspire la personne qui joue à la harpe ou bien chante une chanson est le problème. Ouais. C'est pas ce que vous saisissez. Amen, amen, amen, amen. Vous avez suivi maintenant, n'est-ce pas? Donc si je... Oui, ma soeur, oui, la soeur amie. Donc, si je comprends bien, quand on écoute une musique chrétienne, on doit bien faire attention aux paroles, à toutes les paroles qui sont dites. Bien étudier. Voilà, je vais aller encore au-delà. Souvenez-vous que à l'entame de mes propos ici, j'ai dit qu'il n'y a pas de musique chrétienne. Et il n'y a pas de gospel. C'est une perversion des paroles de Dieu qui ont tourné comme ça. Parce que venant des États-Unis, les gens ont commencé à parler de musique gospel, musique gospel. J'ai dit gospel veut dire évangile. Il n'y a pas de musique évangile. C'est parce que les techniciens des États-Unis ont pensé que quand ils ont commencé avec l'histoire des campagnes d'évangélisation, ils avaient des périodes, ils ont hérité ça des églises catholiques, des périodes où ils devaient entretenir les gens dans des sons pour les mettre dans un état d'extase avant que l'homme de Dieu, dit-il, vienne maintenant prêcher la parole pour que le cœur soit préparé. Il n'y a pas nulle part où on a demandé qu'on prépare le cœur déjà avec la musique. Ça, c'est la sorcellerie de Rick Warren et de ses acolytes là. Rick Warren, c'est eux qui ravaient comme ça là. Ce n'est pas comme ça. Mais écoutez très attentivement, je recommence à un. J'ai dit de la même façon qu'il n'y a pas de mariage chrétien dans la Bible, il y a tout simplement le mariage comme une institution de Dieu. De la même façon, il n'y a pas une musique dite chrétienne. La musique glorifie soit Dieu, soit Satan. De la même façon comme quelqu'un peut se marier comme Dieu veut, de la même façon comme les autres peuvent se marier en tournant pour glorifier Satan. De la même façon. Et il n'y a pas de musique gospel, ça ne se trouve nulle part. C'est dans la pensée américano-satanique, ça se trouve là-bas. Donc, il n'y a pas une musique dite chrétienne. Il y a tout simplement musique. Donc, la question c'est, cette musique-ci que je chante, en mimant cette musique, est-ce que je glorifie Dieu? Nous avons vu prier, je crois que comme la sœur Suzanne, la sœur Christiane venait d'arriver avec la sœur Claudon, non, pas la sœur Claudon, le frère Tra et sa frère. Prenez, si vous avez le cantique là-bas, prenez le cantique, je ne sais pas quel est le numéro, la voix du Seigneur m'appelle, ou bien chante. Si vous savez chanter ça, chantez-nous ça à haute voix. Vous les autres, vous restez tranquilles, vous les autres, restez tranquilles. Restez tranquille. Vous avez le cantique là, vous savez chanter cela? La sœur Christiane, tu ne sais pas chanter. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds. Sans voix fidèle. Mais voici, je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Mais la sœur, tu n'as pas vu ça? Tu ne sais pas chanter? Oui, j'ai ça. J'ai les pratiques, mais bon, je ne maîtrise pas toutes les paroles, mais je vais essayer. Voilà, essaye-nous. Du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sans voix fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour y revivre, toi je suis pour toujours, les léchés, mes vies calvaires, et étroits et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, je suis pour tout ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jeux même du monde, être méprisé jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour Jésus pour toujours. Nous perdrons sa propre vie, consentir à n'être rien. N'avoir que je seul envie, aimer Jésus le sait bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, moi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur par ici-bas jusqu'au bout. Jusqu'au bout, au bout, je veux te suivre. Dans les mauvais jours, à toi pour Applaudissez. Voilà. Maintenant, la soeur Amy, je veux que tu me montres d'abord sur le plan comportemental. Qu'est-ce que tu as constaté d'abord quand il chantait et chez les trois et chez la soeur Christiane? Bah, ils étaient emportés par la mélodie, hein, comme tout le monde, la belle mélodie, c'est beau, c'est... et tu as remarqué que là, il n'y a pas d'instrument de musique? Non. Mais tu as remarqué que de façon spontanée, la sœur Tra a commencé à aller de devant en derrière. Et subitement, oui. De l'autre côté, de l'autre bout, la sœur Christiane a eu la même réaction, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, je m'en vais les poser dans la question. Et remarquez très attentivement que le frère Tra a résisté contre cet esprit-là. C'est que vous voyez effectivement que les femmes sont plus sensibles à ces choses-là que les hommes. Donc le frère là, il faisait cela, mais chaque fois il était seulement là pour nettoyer son visage un peu là, pendant que sa femme balançait de gauche à droite. Nous avons un bel exemple de ce que nous sommes en train de voir ce soir pour aider les gens à bien comprendre et bien cerner ces choses-ci. Quand vous n'étiez pas là, le même effet s'est passé avec la sœur amie et vous avez fait la même chose. Maintenant, je m'en vais vous poser la question. Y a-t-il un problème dans ce cantique que vous avez lu, que vous avez constaté, que vous avez chanté? À vous autres qui avez chanté maintenant, la sœur Christiane en premier. Tu as constaté quelque chose? Voilà. Vous avez su ce qu'elle a dit, non? Alors, chez les trois, vous avez constaté quelque chose là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans? Non, tout va bien dans le chant. Applaudissez très fort pour eux. Applaudissez. Voilà. La sœur, vous voyez comment la sœur rit là-bas, non? Elle dit maintenant que oser ce soir, ça dit. J'avais une question. Quelle question encore? Parce que vraiment, il semble que me connecte, que Dieu me parle. Oui. Parce que j'ai un souci. Oui. Et je sentais ça dans moi. Je ne parle même pas pour chanter. Et je me suis dit qu'un jour, je vais te demander, parce qu'on dit que les chants chrétiens, est-ce que c'est les... Bon, il n'y a pas les chants chrétiens comme tu as dit. C'est les chants soit qui sont inspirés par Dieu, soit qui sont... Mais est-ce que c'est mauvais de, par exemple, dire que je partage les chants que Dieu me donne dans l'éternité? Que non, c'est justement ce que la Bible demande de faire. Mm-hmm. Parce qu'il dit qu'on chante sous l'inspiration de la grâce. Donc, si tu chantes sous l'inspiration de grâce, donc quand tu es dans ton intérieur, il y a des situations qui peuvent vous traverser. Le cantique, vous naît dans le cœur. Vous n'êtes pas obligé de chanter le cantique que vous connaissez. Vous comprenez ça? Vous chantez le cantique en l'honneur du Seigneur. Quand on dit chanter le cantique en l'honneur du Seigneur, ça ne veut pas dire un cantique qu'on a déjà écrit. Que non. Vous pouvez chanter votre propre cantique avec votre propre mot. Mm-hmm. Quand ça vient du Saint-Esprit, ça sera toujours conforme à la parole. Même si vous dites avec n'importe quel style de mots. D'accord? Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Maintenant, oui, mon frère. C'est que il va avoir une part de délivrance dans laquelle on parle de ce que tu chantes là ne va pas avec la mélodie, ceci, cela. Ça ne va pas exister en fait. Absolument. Parce que si tu vas dehors dans la nuit, c'est la nuit maintenant. Si vous allez un peu dans les rigoles, vous entendez les oiseaux chanter au même moment, les crapauds chanter au même moment avec tous ces brouhahas dans la forêt. Il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tout ce qui respire loue l'Éternel au même moment, alors quel genre de mélodie vous allez suivre? Mais par rapport aux cadences, pour que les gens puissent toucher la cadence de l'émotion de l'être humain, il faut qu'il y ait cette synchronisation dans la musique. C'est ce qu'on a lu dans Ézéchiel chapitre 33 aujourd'hui, le verset 31, où il a dit que quand tu parles là, ta parole, tu prêches tellement bien qu'il te croit comme un musicien qui dit les bonnes paroles, que ça les touche le cœur là. Ce qu'on a lu aujourd'hui dans Ézéchiel chapitre 33, n'est-ce pas? Revenons au temps de causer avec quelqu'un là tout à l'heure, j'ai le temps de poser la question à qui? Bon, voilà, c'est à vous que j'ai posé la question. Vous avez vu que vous avez chanté, maintenant vous n'avez pas remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Alors, non, c'était l'objet même de la première question que la sœur Suzanne Clodon a posée. Elle posait la question que, ok, comme il y a la musique mondaine, la musique, elle a écouté, je crois, c'est Georges Nama et la sœur amie qui a dit que telle est, bon, est sataniste, il n'y a pas de musique chrétienne et au-delà. J'ai dit, dans ce qu'on va examiner ça dans la Bible. Puis, je leur ai expliqué qu'il faut faire attention pour que si on accuse quelqu'un d'être des sorciers, vous ne tombez pas dans la même accusation si vous ne connaissez pas si ça vient de Dieu ou pas. Donc, il faut faire la part des choses. Si un serviteur peut être dans la faute sans être pour autant, serviteur du diable, Voilà. Mm-hmm. Et donc maintenant, on est en train d'examiner donc, en clair ce qu'on appelle la musique chrétienne. J'étais en train de dire donc, que ce n'est pas, et c'est ce qu'on a observé là-dedans, que ce n'est pas les instruments qui posent le problème. Il y a la faisabilité. Mm-hmm. L'instrument, on a vu clairement que l'instrument se trouve du côté de Dieu d'abord, puis du côté de Satan. Mm-hmm. On a examiné tout ça ensemble. Et là, vous tous y étiez. Mais maintenant, par rapport à la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Église, l'utilisation de ces choses, c'est différent. C'est pour ça que sur Radio Bonne Nouvelle, on avait parlé de peut-on payer, doit-on vendre les œuvres chrétiennes. J'ai expliqué sur deux volets. Si quelqu'un chante de la musique pour faire comme une œuvre pour vivre, il chante, il est libre de vendre. Mais s'il prend cela comme étant une inspiration de Dieu pour pouvoir édifier l'église, il ne doit pas le vendre. C'est donc pour cela qu'il n'y a pas de chantres en milieu de l'église. Mais il y a des chantres sous Israël parce que par rapport à l'âge de l'Alliance, il y a les chantres qui devaient accompagner par rapport à Israël. Au combat, ainsi de suite, il va avoir les sons de trompette, ainsi de suite. À l'église, il n'y a pas cela. Vous allez voir manifestement que dans le Nouveau Testament, le seul endroit où l'apôtre Paul, on va montrer la harpe, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, lorsque l'apôtre Paul parle de mimétisme avec le parler en langue. Que si on joue la flûte, les flûtes ou bien la harpe, si ça ne rend pas un son normal, comment saura-t-on ce qui est joué sur la harpe ou bien sur la flûte? Ouais, il fait référence vraiment pour parler du parler en langue, pour dire que le parler ne doit pas être dit, parce que là, on ne dit pas de paroles claires, distinctes. Il faut donner une parole distincte pour qu'on sache ce que tu as envie de dire. De la même façon, si vous prenez une flûte, vous faites pou, sans jouer des sons, des différentes notes où ils sont, on ne doit pas savoir ce que vous allez jouer. C'est ce qu'il est en train de dire. Et là, maintenant, nous sommes entrés dans le livre d'Apocalypse. On a vu effectivement qu'en plein ciel, il y a des harpes et même les harpes de Dieu, que les gens qui vont vaincre le Seigneur vont sonner là-bas pour pouvoir louer le Seigneur. Maintenant, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en résumé, les musiciens dits chrétiens, en fait, si faille nommer, et je crois qu'en essayant juste cette question, on va y arriver. On va arriver au niveau où on va dire que cette personne, c'est le diable, et il faut le délivrer. Absolument. Parce que beaucoup de chrétiens, et je rends grâce au Seigneur pour cela, j'étais en train de surveiller ces choses aussi concernant la musique particulièrement. Il y a beaucoup de musiciens dits chrétiens qui sont allés signer le pacte avec le diable et prêchent. Au travers de la musique et envoie l'esprit démoniaque sur les gens. Ça ne doit pas vous étonner, puisque les pasteurs prêchent la parole sans chanter et prêchent comme ça en servant la reine du ciel, prêchent comme ça en servant la reine de la côte, en ayant pris l'onction chez la reine de la côte et ils prêchent. Or là, c'est la musique qu'on peut chanter en disant des choses que là, les pasteurs prêchent en utilisant les puissances démoniaques pour guérir, les puissances démoniaques pour manifester. C'est encore plus grave que la musique. Vous voyez? Donc de la même façon, comme il y a des pasteurs sataniques qui sont là, qui ont pris fait allégeance avec Satan pour prêcher, ils peuvent prêcher. La parole, ils ont des paroles mélancoliques, ils ont des paroles droites qui vont droit au cœur. Quand ils prêchent, tu as la chair de poule. Mais c'est l'esprit démoniaque qui est derrière. De la même façon, il y a des musiciens comme ça qui sont à l'aide. Ils sont pleins, lorsqu'ils sont en train de prier pour ces choses-ci. Ils sont vraiment pleins là-dedans. Mais, ah non, il ne m'a pas permis de dire ceci. La famille, c'est notre domaine. Donc, il faut qu'on arrive à un niveau donné où on a la relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, où vous écoutez une musique, vous pouvez savoir directement si c'est inspiré de lui ou pas. Parce que très souvent, c'est plutôt notre émotion et notre être intérieur qui touche la musique. On commence à balancer et ça nous entraîne au point où nous adorons sans savoir. C'est ça. Parce que souvenez-vous que la musique est un autre moyen d'adoration. Mm-hmm. Et c'est pour chanter la gloire et élever la personne qui est derrière la musique. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc maintenant, pour résumer, dans le cadre des cantiques, et donc dit à la sœur Amie et à la sœur Clodon qui ont posé la question, qu'en réalité, ce n'est pas la musique. Parce qu'il disait que ces garçons-là disaient, que Georges Norma disait, qu'on ne doit pas chanter les cantiques avec la musique, il faut qu'on chante les cantiques comme ça. C'est pour ça que si vous n'avez pas envoyé prêcher la parole, il faut faire attention. Et donc maintenant, j'ai pris un exemple de cantique comme là. Il y en a plein, votre cantique, le chant de victoire et autres là-bas, les aides de la foi, il y en a plein. Il y en a plein qu'il faut corriger. J'ai dit, ok, nous voici maintenant, on va chanter le cantique. J'ai donné un exemple. On va chanter un cantique et je vais vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont chanté le cantique que vous avez chanté. On n'a pas chanté le cantique avec des instruments. Mais pour autant, il y a un instrument du péché dans ces cantiques. Et là, vous n'avez pas regardé ça. Maintenant, prenez une seconde pour jeter un coup d'œil là-dessus sur le texte, maintenant, sans pour autant chanter. Prenez une seconde. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Il n'y viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. C'est bon déjà? Tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours. Oui, mon frère, tu as trouvé? Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé? Je crois que c'est au paragraphe 2. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Lis ce qui est écrit. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Oui. C'est un chemin solitaire. Oui. Difficile et ténébreux. Oui. Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Non. Je sais que c'est où, non? Même quand le Seigneur allait là-bas, il a dit que c'était l'heure de la puissance des ténèbres. Donc, continue à chercher seulement. C'est cool. Est-ce que Christian, tu as trouvé quelque chose? Non, je n'ai pas mon texte. Ah, okay. Est-ce que vous avez Ok. Cherchez encore. Paragraphe 5. La grandeur de Dieu, les moments pour décrire la grandeur de quand j'étais malade. Vas-y mon frère. Ça doit être sûrement dans le paragraphe 5 alors. Lequel? Ça dit quoi? Je n'ai pas le texte devant moi. Jésus. Oui. Ici c'est écrit Jésus donne grâce et gloire. Pour le suivre pas à pas. Oui. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Mais il ne donne pas ça ici-bas. Il a dit dans Marc, chapitre 10, verset 28, qu'il y a des gens qui vont, tu vas avoir des choses, ces choses-là sur la terre et plus tard au paradis. Il a promis cela. Donc il n'y a pas de problème là-bas. Mais, il a dit que c'est avec beaucoup de tribulations, non? Oui, mais il n'y a pas de problème. On a déjà dit tout à l'heure là-bas que c'était ténébreux et était périlleux, non? C'était en haut, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que le père peut lire tout le texte? La soeur Christine, je ne sais pas pourquoi ta connexion n'est pas bonne, ça, le son ne donne pas bien, ou bien tu es éloigné de ton micro. Je demandais si le père peut lire tout le texte. Si, vous avez suivi sa question? Oui. Elle me demande si je peux lire le texte. Si on peut lire quoi, parce qu'elle n'a pas le livre devant elle. Bon, si vous avez le cantique quelque part, vous copiez, vous mettez sur le site et elle voit ça directement. Je ne sais pas comment vous faites cela. Si vous pouvez copier, si vous avez ça, vous copiez. Non, tu... D'accord. Oui. Cherchons encore, cherchons en attendant. On épuise d'abord ceci. Frère Junior. Oui. Est-il possible que tu nous donnes éventuellement les noms des chanteurs qu'on peut éventuellement écouter? C'est-à-dire par exemple les chanteurs. Je vous donne la liste des chanteurs démoniaques par exemple. Et puis donne le liste des chanteurs qui ne sont pas démoniaques. N'est-ce pas ma soeur? Oui, voilà. Maintenant qu'on y est, vous donnez aussi la liste des pasteurs. C'est le discernement. Les pasteurs démoniaques aussi et les pasteurs non démoniaques. N'est-ce pas ma soeur? Non, mais... ma soeur, j'ai envoyé la musique. Maintenant, la soeur, vous voyez que la soeur a mis à aller gâter la chose là. Maintenant, elle a filmé, envoyé là, elle a corrigé. Bon, maintenant, lisez alors, puisque vous êtes là. J'ai oublié. La soeur Christiane lit maintenant le cantique devant toi. Vous allez remarquer donc ce qu'il en est. Clique sur l'image que la soeur a postée et tu remarques ce qu'il en est maintenant. Je vois le deuxième chapitre, le deuxième de Léa, mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile et compliqué, jusqu'au bout. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mince, et tout ce qu'on aime. Moi, on va diffuser le même, c'est une petite nécessité. Ton son n'est pas bon, rapidement, le paragraphe 4. Il perdre sa propre vie, consentit à n'être rien. N'avoir qu'une seule, je ne vois pas la suite, et aimer Jésus le seul bien. Le frère Tralit, c'est qui écrit là-bas? C'est qu'elle lit ici. Le verset 4. Non, lis chez toi. Paragraphe 4. Oui, perdre sa propre vie, consentir à notre lien, n'avoir qu'une seule envie. Souligne qu'une seule envie. Aimer. Ah oui, envie. Oh. Alors, l'envie, c'est quoi, mon cher? C'est un péché. C'est un péché, voilà ça qui se trouve à l'intérieur du cantique. Voilà. Tu vois ça? C'est qu'on doit corriger le langage aussi, hein, parce que par moment, on a tendance à dire j'ai envie de manger, j'ai envie de voyager. Exact. J'ai envie de travailler. Exact. Ça, on en a parlé avant que vous ne veniez, on a parlé de. J'adore telle personne, j'adore ta tête, j'adore ta coiffure, j'adore tes chaussures, j'adore ton parfum, ainsi de suite. Faut corriger tout cela. Et donc voilà la soeur, je remarque que tu as souligné, tu as seulement barré désir, tu as laissé qu'une seule. Donc il faut n'avoir qu'un seul désir. Maintenant, vous remarquez effectivement que vous avez chanté, vous avez traversé rapidement, n'est-ce pas? Là maintenant, il faut le dire, il y en a plein comme ça. Je crois que si vous ouvrez votre cantique là, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, je vais vous montrer partout où il y a les problèmes. Or, si vous ne prenez pas de temps là devant le Seigneur, avec la parole sur votre cœur, vous ne pourrez pas savoir ces choses-là. Vous allez continuer à chanter comme ça, comme l'autre dit, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Vous voyez, quelqu'un qui est sous l'esprit ne sera pas dans l'émotion, sera dans l'allégresse. Vous comprenez cela? Quelqu'un qui est dans l'esprit ne sera pas dans l'émotion, mais sera dans l'allégresse. C'est ça. Vous êtes au moins. Mais c'est pas dans la vie, donc aussi que j'ai... L'allégresse et l'émotion, c'est pas la même chose? Comment? On dit aussi que Jésus est ému. Ému, l'allégresse. Attends, on a touché deux personnes en train de parler, je ne sais pas. Prenons d'abord la soeur, quoi, Christiane. Oui, tu dis que Jésus fut ému. Oui. Donc Jésus connaît l'émotion, Jésus n'a pas péché. Donc, ému de compassion. L'émotion. Ému de compassion. Allons-y, ma soeur. Oui, c'est une émotion, c'est un sentiment. D'abord, un sentiment de compassion. Le sentiment, c'est différent. Le sentiment est biblique. Le sentiment est biblique. Mais je suis dans l'émotion. Quelqu'un ne peut pas être dans rempli de l'esprit. Il est plutôt dans l'émotion. D'accord? On ne dit pas que les gens, quelqu'un ne doit pas être émotif. Parce que si vous regardez très bien, très attentivement, si vous dites quelque chose qui vous choque maintenant, d'abord, vous aurez votre expression de visage va montrer clairement les différentes émotions dans lesquelles l'état où vous vous trouvez. D'accord? Voilà. Donc, regardez très attentivement, je suis dans l'émotion, c'est autre chose. D'accord? Je suis ému de compassion, je suis ému, c'est différent. Vous pouvez arriver quelque part, on vous donne un genre d'accueil. Que vous êtes tellement ému ou la larme sort, vous dites ouf, je suis ému de votre accueil, ainsi de suite. Mais être dans l'émotion, c'est un problème, ma chère soeur, d'accord, ma chère soeur là. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. J'avais une dernière question, si tu peux aller. Allô. On t'écoute, ma soeur. Ok. Quand on parle des chansons, est-ce que donc ça veut dire que quelqu'un peut faire mettre des chansons sur CD par exemple et agir? Absolument. Frère, concernant ce sujet-là, il faut dire que j'avais téléchargé des chansons. dite chrétienne, sur une cape et moi ici. Et j'écoutais ça à chaque fois. Et au fur et à mesure que j'écoute, arrivé au milieu de cette chanson-là, la personne commence à parler en langue. Et c'est vrai, les mélodies, ça accroche la chair, tout et tout. Mais pour finir, quand on voit, au milieu, il commence à parler en certaines langues, là, on ne comprend pas. Ce n'est pas pour dire qu'il parle... La sœur Christiane, ferme le micro, s'il te plaît, comme ça, on aura... Il y a un son de brûle, de reste, là. Oui, mon frère Poutabi, continue à parler. Voilà. Donc, c'est pas pour dire qu'il est en train de parler à soit en son ethnie, mais genre, il parle en leur langue, là, pour dire qu'il est en train de parler en langue dans la chanson. Donc, arrivé à un certain moment, quand j'écoute, quand ça arrive à ce côté, je zappe. Pour finir, j'ai compris que je dois supprimer cette chanson-là même sur ma carte mémoire. Sur ma clé, en fait. Oui. Donc, en fait, c'est ce que je voulais souligner concernant ce style de musique-là aussi. Vraiment, il faut avoir beaucoup de discernement. Bon, maintenant, c'est tout ce qu'on écoute, en fait. Déchire le cantique, la voix du Seigneur l'appelle dans ton cantique, là, je prie. Pour être équilibré. Oui, pour être équilibré. Oui, ça, c'est clair. La voix du roi. Alors, à chaque cantique, il va te montrer, finalement, tu vas brûler ton cantique, là, quoi. C'est ça. Le Saint-Esprit va nous inspirer des cantiques, maintenant, simples. Donc, par moment, il y a des cantiques qui donnent même qui sont... Mets-toi à l'œuvre, tu vas alors écrire, alors, ça. Bon, donc, je crois qu'on a fini avec ce chapitre de la sœur Clodon. Nous sommes à la première question a été répondue, n'est-ce pas? Si tu nous écoutes, te souviens-toi que ton micro est fermé. Oui, oui. Oui, mon frère, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Vraiment, merci. Y a-t-il des questions encore concernant ce sujet? Souvenez-vous de Colossiens chapitre 3, le verset 12 à 16, concernant ce sujet par rapport au cantique. Souvenez-vous d'Éphésiens chapitre 5, le verset 18 et 19, concernant le cantique et autres, le cantique spirituel, les psaumes, ainsi de suite. Nous allons chanter les psaumes, on chante des cantiques, d'accord? Souvenez-vous de Actes chapitre 16, où l'apôtre Paul avait été enfermé en prison là-bas avec le Silas. Ils ont commencé à chanter, d'accord? Et est-ce que, par exemple, moi je demande parce que j'ai beaucoup de raisons que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir de venir. Tout le monde se décide de s'attendre un signal spécifique du Seigneur ou bien, je ne sais pas. Bon, quand tu le reçois, quand tu reçois, tu attends une heure spécifique pour chanter alors? Ah non, quand j'ai peur de tomber dans les pièges de l'ennemi, c'est pour ça que j'ai toujours. Et dans ce cas, quand tu vérifies que ça vient de Dieu, et si tu sais effectivement que ça vient de lui, demande-lui ce qu'il faut en faire. S'il donne un cantique pour ton édification spirituelle pleine, parce que la Bible déclare, chantez, édifiez-vous par des psaumes, par des prières, ainsi de suite, chantez à Dieu sous l'inspiration de grâce de tout votre cœur. Si tu as donné pour t'édifier et qu'il ne t'a pas demandé d'aller donner à quelqu'un, demande-lui s'il faut donner à quelqu'un, d'accord? Des questions? Si on n'a pas de questions, on prend Ézéchiel et on lit un dernier passage dans le livre d'Ézéchiel déjà pour conclure ce chapitre-là. Mon frère, c'était sur le parfum. Oui. On arrive. C'est pour ça qu'il dit qu'on conclut sur ce sujet-là. On prend une respiration musicale, puis on revient sur le parfum, d'accord? Donc, concluons à ce sujet-là, puis on revient sur le parfum. Ézéchiel, chapitre 32. Ézéchiel chapitre 32, versets 15 et 16, seulement là-bas, puis je vous dis quelque chose. Si les gens pouvaient aller dans la Bible, lire la Bible à la manière de Dieu, pour comprendre ce que Dieu dit, sans avoir à aller avec leur propre cerveau, ils comprendraient beaucoup de choses dans les choses du Seigneur. Ézéchiel chapitre 32, verset 15 à 16, qu'est-ce que ça dit là? Quand je ferai du pays d'Égypte une solitude et que le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, quand je frapperai tous ceux qui l'habitent, ils sauront que je suis l'Éternel. C'est là une complainte et on la dira. Les filles des nations diront cette complainte. Elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa plénitude, sa multitude. Bon, ok. Maintenant, notez aussi Ésaïe chapitre 23, versets 15 à 18. Vous aurez le temps de lire cela, mais je vais dire quelque chose concernant ce que vous venez de lire. Ésaïe. Chapitre 23. Ésaïe chapitre 23. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. Versets 15 à 18. C'est bon, c'est bien noté, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, le verset 16, la Bible déclare de Ézéchiel chapitre 32 que c'est là une complainte et on la dira. Les filles des nations diront cette complainte, elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. C'est quoi une complainte? Chanson. Une chanson. La seule, elle répond ou bien pose la question? Je réponds. Ok, ok, ok. Donc, d'après ce qui est écrit ici, je vais y revenir encore dans, si le Seigneur permet autrement. Il y a des gens qui chantent des chansons normales de la souffrance humaine. Comme par exemple, vous allez voir des gens qui sont, comme on dit par exemple que les musiciens sont des agents moraux de la société, qui sont seulement là pour, comme le vecteur moral, pour pouvoir édifier ou bien donner des différents messages, comme on le dit. Donc, ce sont des prédicateurs. Et par conséquent, vous allez voir, effectivement, on va parler des chanteurs comme il y a des grands défenseurs de telles valeurs. Il y a des gens qui seront là pour la cause des jeunes. Des gens qui vont faire là pour défendre les femmes. D'autres qui vont défendre les violences faites à l'homme. D'autres là pour défendre l'anarchie qui se passe. Le fait que les gens du pouvoir ne respectent pas la loi. Enfin, les musiciens ont les différentes choses. Et dans la chanson hip-hop, par exemple, c'est versé dans différents domaines. Vous allez voir effectivement que les gens issus de Manhattan, de New York, aux États-Unis, vont sortir des quartiers pauvres et vont être inspirés pour chanter sur la condition précaire des gens qui vivent dans la pauvreté et la nécessité de changer, que les gens trouvent le regard là-bas. Et beaucoup de personnes vont, puisque c'est leur cas, ils vivent dans ces cas-là, ils vont aimer ces chansons parce que cette personne-ci parle haut, c'est que eux, ils ressentent. On peut leur dire que les musiciens sont la voix des sans-voix. Ils disent plus haut ce que les gens pensent. Ils prennent les complaintes des gens, ce que les gens en souffrent, pour présenter au public. Et ici, Dieu dit que ceci va arriver, on va chanter cela dans les nations. En fait, la Bible parle donc des gens. Oh mon Dieu, je reste vraiment prendre du temps là pour cela. La Bible parle donc des gens qui chantent ce genre de chansons. Donc, il dit qu'on va chanter ce complet. On va chanter cela dans les nations. On va chanter que okay, l'Afrique est amenée en captivité. Quand je regarde l'Afrique, oh, c'est pour les blancs. Oh, oh. Hein, la Saint-Christian. La forêt de Yabassi, c'est pour les blancs. Oh, oh. Les politiques africaines, oh, c'est toujours les blancs. Oh. Et au fur et à mesure, on est en train de dénoncer le fait l'ingérence des blancs dans les affaires. Oh, c'est une musique contre la colonisation là-bas. Et Dieu dit qu'il dénonce cela. Il dénonce cela. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut chanter quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est normal qu'on en ait de voir, mais pourtant, c'est la rébellion. C'est l'esprit de rébellion qui allait l'inspirer. Alors, maintenant, la Bible nous donne plutôt, à nous qui sommes croyants, de chanter des cantiques en l'honneur de l'Éternel et du Seigneur, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. On a lu ça partout. Si on va dans le psaume, alors c'est plein là-bas. On doit chanter le cantique en son honneur. Si vous lisez le livre de 2 Samuel et 1 Samuel et même 1 Chronique, vous allez voir effectivement quand Jonathan est mort, David a chanté une complainte sur lui. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons une respiration musicale et puis on revient. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant suivez. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Le Dieu qui pardonne et tu es le Dieu de compassion, tu es puissant, tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de tout parfait, tu es guéri des guéris, tu es tout puissant, tu es, et mon moment pour décrire la grandeur de Dieu, et mon moment pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Si tu es médecin, il ne sait pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Il est au-dessus de mon entendement, et même au-dessus de mon imagination. Grandeur de Dieu, les mots me manquent pour décrire la grandeur.